l'info de ce vendredi 25 mai, c'est avec Tristan. Salut Tristan. Oui, salut Cyril, bonjour salut à tous. Salut, salut, salut Enora et salut Fabien. Comme le vendredi 25 mai, il est 6h03 et nous sommes en direct de Marseille. Est-ce que ça va Marseille? Ouais. Oui, il y a déjà des personnes qui sont venues nous voir. Il y a un mec sur la tête de ma mère. C'est pas possible. Je l'aime beaucoup, c'est mon ami, c'est mon frérot. Il est venu, je l'ai rencontré en bas. Il est en short, il croyait qu'il allait faire un combat ici. Il croyait que c'était... C'est Rocky Balboa, ah, son ami. Il fait ami. Du taekwondo. Ouais. Du free fight, c'est ça, je pense, du free fight, un truc du... genre machin là. Il fait du free fight. Non, c'est le mec qui joue au ping-pong. Free fight. Moi, je fais du free fight. Moi, je fais des frites qui se battent entre elles. C'est violent. Je fais du free fight, mais c'est très très violent. Il y a Usher qui va arriver, il y a Irma, il y a Gustavo Lima avec Balada avant 6h30. Et ça, je peux vous dire, Balada à Marseille, mais ça passe. Ça prend tout son sens. Je vais le faire comme un fou là. Je peux vous dire, préparez le streaming, parce que vous allez pouvoir nous voir. Le streaming sur la page Facebook Virgin Radio. Vous pouvez voir tout ce qui se passe ici, dont mon ami, le Free Fighter. Allez le voir, il est magnifique. Avec son short très chelou. Il est beau sur la tête des canards. S'il termine pas en slip l'émission, lui, je me mêle plus à Nouda. Si je veux qu'il termine l'émission en slip, ça c'est obligatoire. Il y en a un qui a failli terminer l'émission en slip hier. C'est pas Fabounet, c'est Kev Adams qui était avec nous. Et Kev Adams, il a appelé un hôtel à Cannes parce qu'on s'est dit qu'il méritait la croisette. Et il voulait venir dans un hôtel, mais pas seul. Il était avec son coiffeur fétiche, un coiffeur paysagiste. Vous en connaissez d'autres? Bien sûr. J'en connais qu'un, moi. Ah oui, c'est... GW. Eh bien sûr, le seul, l'unique. Eh bien, c'est GW, c'est Jean Walter sur Virgin Radio qui arrive dans 3 minutes maintenant. Mais là, on démarre avec les Chacapong à 6h04. Bon réveil, les chéris. Yeah. 30 sur Virgin Radio à 6h07. On est très très content de vous réveiller tous les matins. On est très très content d'être à Marseille aujourd'hui. Le public va arriver un petit à petit. Il y a déjà des gens qui sont là dès 6h du matin. On les remercie vraiment, les chéris. On remercie toutes les personnes qui sont sur le Facebook de l'émission. Pour le moment, c'est Cavalams qui était avec nous hier. Il a plein d'hôtels. Il n'était pas seul. Il était avec GW, le coiffeur paysagiste. On sait pourquoi. Virgin Radio, Jean Walter, coiffeur paysagiste personnel de Cavalams. Madame de Provence, bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Kev Adams. Je fais des spectacles un petit peu partout en France. Et en fait, j'aurais aimé réserver une suite dans votre hôtel pour le 5 juin parce que je joue mon spectacle durant le festival Performance d'acteurs à Cannes. D'accord, alors attendez, le 5 juin, qu'est-ce qu'il me reste? Deux chambres doubles avec balcon. Et sinon, c'est complet, quoi. On est déjà complet. Bah, chambre double avec balcon, ça fera très bien l'affaire. En fait, j'ai juste une toute petite demande si ça vous dérange. Dites-moi. Pas. En fait, voilà, j'ai des petits problèmes capillaires. Tu veux que je leur dise? Ouais, et en fait, voilà, je me déplace toujours avec mon coiffeur et c'était pour savoir s'il y avait moyen de le prendre avec moi dans un endroit. Ben, je veux pas s'il va mieux. La chambre, on peut vous la monter en twin. Ah, bah, il va voir ça avec vous. Il va vous parler. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est l'hôtel de Provence? Oui, tout à fait. C'est bonjour. GW, Jean-Walter, coiffeur paysagiste. Je m'occupe de Kev Adams. Je vous appelle pour savoir deux, trois petites choses. Parce que l'hôtel est prépondérant pour nous, pour notre venue dans cette région. Et on aimerait avoir quelques accessoires pour pouvoir travailler de manière correcte. Alors, dites-moi un peu ce dont alors, vous avez besoin. Alors, est-ce que vous avez un Babyliss Sunshine, modèle de 2012 de couleur rose? Parce que sinon je l'amène moi. Il me faut 5 bouteilles de shampoing de marque Silk and Shine, de Cerevlon, aux extraits d'arômes naturels de cactus mexicain. C'est du cactus de Cancun. Je vous laisse l'amener aussi. D'accord. Les prises, elles sont quoi? 220, 240, 480 volts ou 1200 volts à la clo-clo? D'accord. Combien? 220? Ouais, 220. D'accord. Je veux aussi dans les plus brefs délais. Est-ce que vous avez de la crème nourrissante à base de lait de soja, d'hérisson, de femelle? Excusez-moi? Est-ce que vous avez... il est dur de la feuille, hein? Il va ouvrir ses esgourdes. C'est GW, là. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir faire affaire ensemble, hein? Eh ben, ouais, mais je vous écoute, alors. Vous avez besoin de quoi? Bah oui, j'ai besoin de différentes choses. Vous êtes coiffé comment, vous, par exemple? Et moi j'ai enlevé tous mes cheveux comme ça j'ai plus de problème. Oui bah voilà comme bah je la météo. Oui bah je comprends bien comme Louis Baudin. Je l'ai coiffé à l'époque. Je lui avais mis du Roof and Go de chez Kérastase. On était un hôtel à Cannes, on est en plein festival de Cannes, donc c'est la course. Oui, c'est la course. Et si les cheveux ne comptent pas pour vous, hein, alors je voudrais d'autres choses. J'aimerais du gel fixation, non pas béton, non pas extra fort, non pas super glue, mais fixation placo-plate pour une résistance garantie 128 heures. Ouais, bah ça, on a ça. Vous avez du gel? On a du gel, on a tout ce que vous voulez. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez accueillir Kev Adams le 5 juin? Tout à fait, on peut l'accueillir. Une dernière question, si c'est possible, tu demandes Jean-Walter, en fait, pour tout ce qui est animaux, puisque justement... Oui, parce que je vais coiffer quelques animaux également. On a un léopard qui s'appelle Gustavo, qui est un léopard mi-espagnol, mi-tanzanien. Et pour le cochon sans couilles, comment on fait? Parce qu'on a un cochon également. Travaillez bien, messieurs. On travaille bien aussi. Passez une bonne journée. Je vous envoie d'abord le cochon. Vous le reconnaîtrez. Il parle comme ça. Bravo. Merci, Kev Adams. Applaudissements pour Kev. Bravo. Kev Adams, qui était notre invité hier. Il est 6h11. Bon réveil à tous sur Virgin Radio. Il y a pas mal de choses qui vont arriver parce qu'il y a une info, une exclusivité Virgin Radio pour Hanouna le matin qui va arriver dans 3 minutes. Restez avec nous. On va vous parler d'une émission qui s'appelle Qui veut épouser mon fils, qui arrive sur TF1 et Nora a des informations exclusives sur cette émission. Pour le moment, c'est Usher avec Scream. Archie, baby. Yeah, yeah. Did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk on the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. And I ain't trying to fight it, to fight it. Yeah. you're electric. Take here, take you there, take you under. Imagine me whispering in your ear that I wanna take off all your clothes and put something on ya. And I try to fight it, to fight it. Now relax and get on your back. If you wanna scream. Usher sur Virgin Radio à 6h14. Il y a Irma qui va arriver avec Aino dans quelques instants. Mais là, c'était Nora qui a des informations exclusives, c'est les infos. Hanouna le matin sur Virgin Radio. France 4 vous présente les infos d'Aino. Les infos d'Aino et Nora qui travaille dans l'audiovisuel maintenant depuis de nombreuses années, a des connexions un petit peu partout. Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez qu'il y a l'émission Qui veut épouser mon fils qui va revenir sur TF1 cet été. Bah, moi, je kiffe cette émission. Voilà, qui est un carton d'audience. Ouais. Et Qui veut mon fils qui nous avait fait révéler le Giuseppe, le fameux macho avec sa maman qui avait une tête de morue, là, Marie-France. Ah, Giuseppe, j'étais fan. Enfin, bref. T'étais fan de Giuseppe? Je regardais pour lui, moi. Ah oui, non, mais il a raison. C'est déjà ça. Gros macho. Et donc, la nouvelle saison. Vous avez vu quand il s'est pris une claque? Ah ouais, avec un tentateur, non? Ah ouais, c'était magnifique. Ah, c'était magnifique. C'était magnifique. Avec un tentateur. Ah ouais, ils avaient fait une émission, vous avez récupéré tous les relous de la télé-réalité, puis il y avait une petite baston et Giuseppe s'était calmé. C'est devenu le nouveau principe maintenant. Ils prennent tous les relous de toutes les émissions et ils les mettent dans la même. C'est devenu un nouveau truc. Bah, il y a du stock, hein. Ouais, il y a du stock, ouais, tu m'étonnes. Alors, et donc, du coup, voilà, nouvelle saison, nouveaux participants et nouvelle jeune femme. Alors, petite exclue Virgin Radio, j'ai le nom d'une des gagnantes. Voilà, ils sont quatre. Alors, il y en a une, vous allez voir, ça va se passer en deux temps pour les célibataires cette année. Ils auront un premier groupe entre lequel ils vont pouvoir choisir, un premier groupe de filles. Et après, en plein milieu de l'aventure, vous verrez, il y a un deuxième groupe de nanas qui vont arriver. Un deuxième cheptel. C'est magnifique, c'est un rêve. Qui arrive, voilà, pour perturber justement le premier cheptel. Et dans ce deuxième groupe, vous verrez, d'un des candidats, il y a une jeune femme qui s'appelle Marie. Une brune danseuse, et c'est elle qui va gagner le cœur d'un des candidats, qui va accepter la bague et qui va même aller plus loin puisque leurs histoires vont se poursuivre hors les caméras pendant quelques mois après. Oh là là, voilà. Moi j'ai vu la susnommée Marie, voilà, qui est pas laide, hein. Là je peux vous dire, la petite Marie, ça va, tu l'épouses, ma cam. Mais je vous révélerai plein de choses parce que moi je connais la dite Marie, et qui m'a révélé évidemment plein de secrets, comme quoi tout cela était extrêmement fake, que la prod l'avait complètement orientée, qu'elle avait limite des oreillettes par moment, etc. Ouais, je balance, je vois Franck qui fait une tête de ouf. On va se retrouver avec Angela Laurenté qui va nous filer un petit coup de fil. Et voilà, et donc tout cela est rondement mené par la mythomanie ambiante. Dieu soit loué, les gens de TF1 ne sont pas réveillés à 6h17. Il y a d'autres infos ou pas? Non, ça suffit pour l'instant. Non, on va se remettre de celle-là déjà. C'est déjà beaucoup. Merci Eno. Dans quelques instants, il y aura The Joke, la plus belle blague. Il y a Nicolas qui sera avec nous, qui va nous parler d'un gars qui se fait bronzer, et c'est pas Bernard Montiel. Et Anthony, c'est deux blondes belges. Vous allez juger ces blagues, et Nora et Fabien, vous êtes prêts pour ça? Yes, carrément. Et puis il y aura Irma avec Aino. Il est 6h17. Bon réveil sur Virgin Radio. Hanouna le matin sur Virgin Radio. I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you tell him you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten it out with you. You pull my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know. of justice. When I look right into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. C'était Irma sur Virgin Radio à 6h23. Eh, y a de la Nouna Mix qui va arriver dans une trezaine de minutes. Alors là, restez avec nous. Parce qu'on est à Marseille, hein, je le rappelle, on est en direct des studios Virgin Radio de Marseille. Vous pouvez nous voir en streaming sur la page Facebook Virgin Radio. Ça va danser dans quelques instants parce qu'il va y avoir Balada. Donc je peux vous dire, on va envoyer grave de la danse. Hein, il aura aussi Je veux te voir danser. Mais le Hanouna Mix, c'est un spécial Marseille. Ne le loupez pas, les petits chéris. Pour le moment, c'est The Joke. The Joke, la plus belle blague. The Joke en direct de Marseille. Et il y a de la blague pas marseillaise ce matin, mais j'espère qu'il y en aura au cours de cette émission. Il y a Nicolas qui va jouer avec nous, qui habite Comines. Salut Nico. Salut tout le monde, comment salut allez-vous Nico. Bah ça va, Nico. On est content de t'avoir, t'es mécanicien. Ouais voilà. Quelle est la dernière réparation que tu as faite? Off, une grosse merde. D'accord. C'est sympa, dis donc, ne te déprécie pas de la sorte. Un gros boulot, une grosse panne voilà. Sur quelle voiture? Ah non, c'est pas sur mécanique auto, c'est la mécanique textile en fait. Ah, textile, sur les pulls, tout ça, sur les pantalons. C'est sur du tissage étroit, c'est du ruban. Merci. Enfin, Nicolas, tu viens de faire chier tout le monde là. Ouais. Bah ouais, mais tu m'as posé la question, donc j'ai répondu. Ça va. Nico, il y a Anthony qui est en face de toi. Ça va Nico? Anthony, comment ça va? Salut à toute l'équipe, ça va très bien. Ouais, salut, ouais. Alors, gros. Sur ma fiche, il y a marqué Anthony, entre parenthèses. Il parle pas fort car il a un problème de voix à cause de la clim. Ça veut dire quoi, t'as raconté ta vie à la standardiste? Bon, alors, ouais, bon, je t'explique, je vous appelle, mais là, je parle hier, pas fort. Je l'ai passé hier, elle m'a appelé ce matin, et entre hier et ce matin, il y a eu un coup de un problème de clim. Tu viens d'où avec un bel accent pareil? Il vient de Carbac. Près de Forbach, il y a l'instant. Il y a Carbac, Brickback, Offenbach. Et Brockback, ouais, c'est ça. Didier Brockback, bah, t'habites donc ça à côté de Metz. C'est ça? Voilà, c'est à 50 minutes de Metz. T'as vraiment des problèmes de voix, toi, ce matin. C'est la clim, ça, j'en étais sûr. On va démarrer avec Nicolas qui va raconter sa blague juste après le jingle. Nico, t'es prêt? Ouais. Vas-y, Nico. Alors, c'est un gars qui s'est bronzé tout nu sur la plage, et pour pas attraper un coup de soleil, il a couvert son sexe avec son chapeau, en fait. Et là, il y a une nana qui passe et qui lui dit avec un sourire en coin, « Si vous étiez un gentleman, vous souleveriez votre chapeau. » Et là, le gars, il lui répond, « Si t'étais belle connasse, il se serait soulevé tout seul. » Voilà. C'est une violence. Non, mais j'aime bien. En réservoir dog. C'est... Le mec est sur la plage, mais il est violent. Il est violent, quoi. Il est énervé. C'est tueur né, le cœur. J'aime bien, Nicolas. C'est toi qui l'as inventé? Non, du tout. Moi, j'ai bien aimé, Nicolas. Tu t'es battu avec ta blague. Anthony, ça va être à toi juste après le jingle. On va parler de deux blondes et en plus belges. Oula. Vas-y. Alors, ces deux blondes, elles se croisent dans la rue, elles ne se sont pas vues depuis longtemps, alors elles papotent, et il y en a une qui dit à l'autre, alors, t'en fiches comment il va, il a grandi une fois et tout. Et l'autre, elle répond, ouais, mais il marche depuis 2 mois. Et l'autre, elle répond, 2 mois? Puis, il doit être loin maintenant, alors, hein. C'est pas mal, ça. Elle est pas mal, j'aime bien, ouais. Alors, Enora, je pense que tu vas choisir Anthony. Ouais, Anto, carrément. L'autre, j'ai détesté. Anthony. Arrête, moi, j'aime beaucoup le j'ai détesté. Non, les deux étaient bonnes, mais bon, moi, j'ai préféré les blondes d'Anthony aussi. Eh ben, c'est Anthony qui gagne. Yes, Anto. Bravo, mon cousin. Avec ton pack Virgin Radio, Anthony. Et prends du Kodo Tussi, là, pour la voix, d'accord? Je t'envoie des pastilles. Un petit bonjour. Bien sûr, vas-y. Un petit bonjour. Un petit bonjour à ma femme qui écoute, à tous mes potes et à Julien qui c'était son anniversaire, il est sur la route et c'est un grand fan de l'OM et à tous mes potes du foot pour ce soir, voilà. Eh ben on les embrasse aussi tes potes. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Oui, merci. Je peux passer un petit bonjour aussi? Vas-y Nico. Ok, ben je fais un petit coucou à ma petite femme qui est partie au boulot depuis ce matin à 5h, je fais un gros bisou et à mes beaux-parents qui m'écoutaient aussi là ce matin. Voilà. Eh ben on les embrasse tous aussi. Merci Nicolas, merci Anthony. On se fait Gustavo Lima avec Balada, c'est mon titre préféré en ce moment et il est sur Virgin Radio bien sûr, il est 6h27. Vão nessa gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar um tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Se você na madrugada, dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Eh oui, Gustavo Lima, Balada sur Virgin Radio, ça a dansé et Nora nous a fait une petite chorégraphie. Vraiment, elle s'est frottée sur moi. Non, eh mais, oui. Non mais c'est si, pas genre. Si, tel un tampon Jex sur un évier. Il y a Gauthier qui va arriver dans quelques instants sur Virgin Radio. Et puis on va se faire un Hanouna Mix. Il y aura 500 euros de fringues à dépenser sur monshowroom.com. Ce sera un spécial Marseille puisque nous sommes en direct de Marseille ce matin dans le cadre de la tournée, le Hanouna Tour. Et je peux vous dire, ça va monter en puissance parce qu'il y a des supporters, hein, Marseillais qui vont arriver dans quelques instants. Et en plus, il y aura de la flic qui parle russe qui se prépare. Elle peut pas avoir russe, mais un peu Marseille. Vas-y. Attends, oulala. Bon, bah, tu te attends, prépares. Je m'entraîne. D'accord, je vais essayer de vous trouver le compromis. Ouais, ouais. Il est 6h31 sur Virgin Radio. said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Sur Virgin Radio à 6h37, il y a Outkast qui va arriver dans quelques instants et il y a Willy qui a perdu la tête hein, sur Paname. Ça va mon Willy? Tu peux ça nous va parler? Très bien, je te remercie. Très oh bien, Willy, bah, quelle va. Voix sensuelle. Ouais, lui c'est... aussi, il y a des problèmes de clim apparemment. Non, il est beau. Chérie, on va se faire un Hanouna Mix. Hanouna le matin, le Hanouna Mix sur Virgin Radio. Hanouna Mix en direct de Marseille puisque nous sommes dans les studios de Virgin Radio Marseille. Alors pour l'instant j'ai pas vu trop de personnes qui sont en train de faire un buffet. Et je peux vous dire ils nous ont mis de la tropézienne et tout sur le buffet. Ah sympa. Alors la tropézienne. Oula, c'est avec la crème dedans là. Ah, bah, la tropézienne. Oh là, manges... Moi qui avais perdu du poids et merde. Tu manges un quart de tropézienne, mon frère. Tu prends 14 kilos. Ah là là, mais c'est tellement bon. Ça. Vous savez combien il y a d'habitants à Marseille ou pas, tiens les enfants? Moi j'ai aucune. J'ai 300 000. 300 000 et Nora. Non plus que ça. Ouais, mais plus que ça. À peu près. Moi, je dirais. Un petit million et Franck Gervais. Je sais pas, je dirais 850 602, non? Le juste prix est de. Ouais, bah, vas-y, c'est plus cher ou moins cher hein. Bah, c'est lui qui vient de me donner l'affiche, donc c'est 850 602. C'est honteux. Ah, quel escroc. Il y a 850 000 habitants à Marseille, dont Julien qui est venu nous voir ce matin. Et c'est cuit, ça fait plusieurs personnes déjà. Free Fight. on va vous mettre la photo de Julien sur la page Virgin Radio sur Facebook et sur aussi la page Hanouna le matin. Je veux la voir cette photo partout. Pour le moment, il y a Daniela qui est avec nous. Salut Daniela. Ah, moi, ce que je préfère. Excusez-moi, ce que je préfère, c'est Daniela. Ça, c'était vraiment on l'a jamais fait cette vanne. Ça me laisse, c'est la première. T'habites Marseille, Daniela. T'es où à Marseille? Je suis à Saint-Jérôme. Je voulais vraiment venir vous voir, mais j'ai examen aujourd'hui. T'as examen aujourd'hui? Oui, mais je vous écoute. Bon, j'espère que ça va bien se passer, tes examens. Et quand t'étais petite, par prise de colère, t'as coupé tes cheveux toi-même? Ah oui, quand j'étais petite. Et maintenant, avec les ciseaux, j'essaie de faire attention. D'accord. Mais c'est non, mais j'adore. Tu sais que. Non, mais on aura Franck Provost tout à l'heure qui nous dira pourquoi les gens se coupent les cheveux tout seuls, qui fera une analyse, hein, vraiment, de cette envie de se couper les cheveux seuls. Reste avec nous, donc, vraiment. Il sera avec nous, parce que vous le savez, sur Virgin Radio, on n'a pas peur de dénoncer des choses. C'est ça, c'est militant, là. Si t'as fait mal. Daniela, tu vas jouer pour un beau cadeau. Absolument, un très beau cadeau, ma belle, puisque tu peux gagner 500€ de fringues à dépenser sur le site monshowroom.com et évidemment la magnifique compil Virgin Radio Max de Tube de 2012 volume 2. C'est la 2012, c'est la volume 2, c'est la meilleure. Hein, cette compil Virgin Radio, t'as tout dedans. Daniela, tu vas devoir trouver les deux chansons qui sont mélangées, d'accord ? Oui. C'est une spéciale Marseille aujourd'hui. On va tous se lever. Alors, on va tous se lever pour chanter ce Hanouna Mix. Attention, Fabien, tu nous donnes le top. Même Franck Gerbert, j'aimerais qu'il se lève. Oula. C'est important. On va tous jouer ensemble sur Virgin Radio. Vous qui nous écoutez, essayez de trouver quelles sont ces deux chansons mélangées. C'est parti, envoie du son, Willy. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient à Smith, à Smith au pied. Et le regard froid, il scrutait la salle. Le 3/48 roulait, roulait autour du bras. Rébaille sur la tête survête, taquini et mocassin et buloni. Je danse le mia, non pas de pacotille. Chemise ouverte, chair d'or qui brille. Je danse le mia. Le mia. Parce qu'on est très en retard. Alors, il n'y en a pas un qui connaît la Marseillaise dans les coups. Comme dans les stades en même temps. Mais quelle bande de clampins, mais c'est pas possible. Il n'y en a pas un qui connaissait la Marseillaise. Alors, je vais vous raconter. Hein. Bah, déjà, on a donné une réponse. Déjà, ça s'est fait. Oui. Je pense que vous l'avez trouvé, c'est pas grave. Ça déjà s'est réglé. Non, mais au cas où. On aurait pu dire, bah non, ça, je crois que c'est Je t'aime de Lara Fabian. Mais non, on aurait pu. C'est vrai que ça ressemble. C'est arrivé. La Marseillaise, Cyril, qui est donc de la. Rouget de Lille. Mais non, c'est la solde de Lille, le mec. Je vais y aller, moi. Le Rouget, la solde. Pas parce que c'est à Monet à Marseille qu'il faut se lâcher. Non, non, mais je vais vous dire. Eh, Fabien, il m'a dit, t'inquiète pas, Cyril, je vais démarrer. Hein, et ben, quand Fabien vous dit, t'inquiète pas, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Je m'en rends compte tous les jours, en fait, hein, depuis que je fais cette émission depuis le 22 août sur Virgin Radio. Franck, t'as entendu quand il m'a dit, t'inquiète pas, je vais démarrer. Tu vois Franck, ce que subit sa meuf quand il lui dit, t'inquiète pas, je vais démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, ça se réglera entre Franck et moi, Cyril. Là-dessus, je veux pas que t'interviennes. Non, mais t'as pas besoin de voir Franck, hein, tu sais, je peux directement signer ta fiche. Il y a le monsieur de la compta qui est juste derrière, hein, voilà, vous pouvez voir. Alors allez-y, parce que je voudrais que vous alliez sur la page Facebook de Virgin Radio. Il y a un monsieur qui est derrière, hein, qui s'appelle Thomas Plessis, et on a l'impression vraiment qu'il est le mec de la compta, hein, vraiment il peut intervenir à tout moment pour faire des licenciements. Daniela, est-ce que t'as trouvé ce qu'on chantait sur la Marseillaise, puisque maintenant déjà c'est la Marseillaise. Non, c'est pas ça du tout là. On t'a piégé. Je pense que c'est Je danse le mia de Ayam. Oui, Daniela. C'est gagné, ma belle. Oui. À toi, les fringues. 500€ carrément de fringues à dépenser sur monshowroom.com et la compile. Bravo, ma chérie. Bravo, Daniela. Oh, voilà, Daniela. J'espère que ça va te porter chance pour tes examens aujourd'hui. Ah, ben, j'espère, hein, oui. On fait de gros bisous. La journée, déjà, elle commence très bien. Eh ben, oui, ce qui n'a pas été mon cas, puisque j'ai croisé Fabien dès le réveil. Merci, Daniela, d'avoir été avec nous. Je t'embrasse fort. Il y a Outcast qui arrive tout de suite pour un mec de tube. Et juste après, y a-t-il un flic qui parle russe à Marseille? Katia Kouglov va frapper dans les commissariats à Marseille. Est-ce que Katia est prête? Ah ouais, je suis prête. Hein. Ça va être quoi le scénario, juste pour donner envie là? Je pense les coincés. Je les coincés. Dans le vieux port, non, je crois pas. J'ai réfléchi. Ah, c'est toi qui décides. D'accord, elle sait pas. Elle a envie d'être coincée quelque part, c'est son gros problème. Elle est toujours coincée, celle-ci. Elle est Outcast à 6h43 sur Virgin Radio. 1, 2, 3, makes something, what makes something, what makes cool? Love the exception. So why yo, are we so in denial when we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Sur Virgin Radio à 6h47, il y a Florida, le nouveau Florida qui va arriver dans quelques instants, c'est Whistle. Et puis je vais vous le dire, on va parler de Plus belle la vie. Si vous regardez Plus belle la vie, si vous kiffez Plus belle la vie, puisque nous sommes en direct de Marseille et que Plus belle la vie, je crois qu'aujourd'hui il y a l'OM et Plus belle la vie, hein. Ah bah Paris, quand on dit Marseille, et Clara Morgan. Oui, c'est vrai qu'elle est de Marseille. Mais alors j'ai appris ça, qu'elle venait d'ici, dis donc, cette jeune femme. Bah, je vais vous dire, toutes les plus belles femmes viennent de Marseille, et toutes les plus grandes actrices. Donc on parlera de Plus belle la vie, ce sera dans 5 minutes maintenant, mais là, il y a une Katia Kouglov qui a faim, qui a soif et qui a besoin de poisson. C'est parti. La belle coulotte de Katia Kouglov sur Virgin Radio dans Hanouna le matin. Alors Fabien, finalement, elle va appeler une poissonnerie. Hein, oui, Katia. On se dit qu'on était à Marseille, pourquoi pas appeler une poissonnerie sur le Vieux-Port. Tout à fait. Une poissonnerie sur le Vieux-Port. Quel va être le scénario? Je vais acheter la morue. Je vais acheter les poissons pour soirée à bouillabaisse. D'accord, mais... Peu cher. J'adore, parce que quand elle parle comme ça, et Nora, je vois plus Nora, je vois que Katia Kouglov. Tu ne vois que Katia Kouglov. Bizarrement, votre poitrine grossit quand vous parlez comme ça. Oui, tu vois, c'est je cambre le torse vers le ciel. D'accord. Calmez-la quand même. Il y a Aurore qui est avec nous de Cavaillon. Salut Aurore. Les melons. Salut tout le monde. Moi, je suis pas loin de Marseille. J'aurais bien aimé venir, mais j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Bien, mon amour. J'aime bien Aurore parce qu'elle nous raconte sa vie. Tu vois, j'aurais bien aimé venir parce que moi, je suis à deux pas de Marseille. Mais aujourd'hui, étant donné que je dois aller chercher des framboises parce que ce soir, je prépare une salade de fruits. Donc, c'est vrai que ça m'a amené sur les coups de 9h45. Et là, j'étais décalé. Ah bah, j'étais à deux doigts de rater. J'étais de Jean-Pierre Pernaut. Hein. Non, mais là, c'est vraiment, je peux te dire, t'es chanteuse, Aurore. Oui. Tu chantes du quoi? Je chante de tout, je fais des reprises, mais là j'ai enregistré deux titres à l'ICP Studio à Bruxelles et on a nos morceaux sur iTunes et sur YouTube aussi. On a le morceau sur iTunes. Sur iTunes. Ah, est-ce que tu peux nous faire un petit extrait? Elle va nous le faire. Après elle va nous le faire dans quelques instants. Katia Kouglov se prépare également. Elle va appeler une poissonnerie. Ce sera sur Virgin Radio. Vous restez avec nous. Vous bougez pas, il est 6h49. Hanouna le matin sur Virgin Radio. Hanouna le matin. Le Hanouna Tour continue sa tournée. Et là, nous sommes à Marseille. On est content d'être à Marseille. Il fait un temps de folie. Hein. Là, je regarde par la fenêtre, il y a un soleil. Bon. Mais le soleil de Marseille, c'est pas le même que le soleil du reste du monde. Non, mais vous avez vu le soleil de Marseille, comment il est kiffant. On dirait, tu sais, comme dans les pubs Pec Citron, le soleil de Marseille. Il te transperce. J'adore. Tout à fait, c'est le même. C'est le même. C'est... Merci Fabien. Heureusement qu'il a. Tiens, je voudrais vous dire, on vous ment sur Virgin Radio dans Hanouna le matin depuis des semaines et des semaines, puisque le Kouglof, on rappelle que c'est alsacien. Mais Katia Kouglof, elle est russe, hein, donc on vous a menti sur elle. Elle est un petit peu d'origine alsacienne. Non, mais elle est internationale. Hein. Voilà, c'est pour ça. C'est un petit peu l'Eurovision à elle-même. Voilà. Elle est partout. Donc Katia Kouglof doit appeler une poissonnerie. Elle doit rester une minute avec cette poissonnerie en étant très très coulotte, c'est-à-dire en étant très très chaude. Il y a toujours une personne pour jouer avec nous qui est Aurore. Aurore, est-ce que tu es toujours là? Oui. Aurore, ça va, tout va bien? Oui, très bien. T'es confiante? Ah, carrément, j'ai confiance en Katia Kouglof. Eh ben, c'est parti, on appelle. T'es prête, Enou? Je suis prête. Ouais, c'est vrai que c'est pas Enou d'ailleurs. C'est... Ouais, je comprends pas pourquoi tu dis. Enou, elle est partie. C'est pas la même personne. Dans ma culotte. Ah. Je la garde au chaud. C'est vrai qu'elle est petite, Enou, elle se glisse partout. C'est où Hobbit? Allô? Allô? Allô? C'est poissonnerie? Oui. Bonjour monsieur, je m'appelle Katia Kouglof. Je commande à faire pour vous. Oui. Je peux faire commande? Oui. J'ai grosse soirée avec plein d'amour. J'ai besoin de plein de poissons, plein de préparations de la mer. Oui. Je peux te commander des choses? Oui. Alors voilà, les problèmes, c'est que j'ai besoin de les gros macros. Des gros macros? Da, ouais. Oui. Est-ce que tu peux mettre une anguille aussi? L'anguille, non. Dans ma culotte? Sur commande, ça. Ah, je vais bien la commander, ton anguille. Oui, là, il n'y en a pas à ce moment. Pour quand? Ah, pour la semaine prochaine, mardi. D'accord. Bah, laisse-moi votre numéro de téléphone. Ah, tu veux mon numéro de téléphone? Oui. Ton coquin, tu sais, c'est la Marie, la mère, elle monte dans ma culotte, là, quand tu me parles comme ça. Ah oui? Oui. Est-ce que tu as une belle raie? Ah, moi, j'ai une grosse bite, moi. Ah, ton coquin! Tout choc, Katia. Attention, Coco. Je suis faufilée dans les atmosphères folles. J'ai les pleins des, oulala, est-ce que toi, panier des fous, là, tu voudras bien me montrer ton loup de mer? Oui, je te montrerai, oui. Tu vas me montrer quoi d'autre? Mais je veux que tu parles correct, pas les grosses quéquettes et tout ça. Oui, le gros loup. Un gros loup? Oui. Un gros loup, est-ce que tu as des grosses pinces comme un gros crabe que tu peux dépincer ma culotte? Oui, bien sûr. Et si je viens à la poissonnerie, tu vas faire quoi avec moi, Katia? Eh ben, je te fais voir le loup. Tu fais voir le loup? Oui. Est-ce que tu voudras voir ma raie manta? Oui, bien sûr. Et ma sole? Oui. Parce que je suis très sole dans la vie, tu sais. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as une barre dans le slip? Oui, bien sûr, j'ai. C'est vrai? Oui. Tout pas marié, toi, coquin, toi, tout célibataire? Oui. Oui, tout célibataire, tu es mon requin marteau, ou tu vas me frapper fort dans la culotte? Oui, je te fouetterai. Et tu ressembles à quel poisson dans ton slip? Tu les compares à quel poisson, ton zizi? C'est quoi? Ce gros loup? Oui. C'est pas les petites sardines, hein? Non, gros loup. Parce que moi, je n'aime pas les petites sardines. J'aime bien les gros loups de mer. Moi, j'ai une grosse moule de marinière avec sauce piquante, un peu vodka. Oui. Et tout nous pas voulait. Oui. Et voilà. On va faire des choses incroyables ensemble. Pas de soucis. J'arrive, mon bébé. C'est gagné, Nora. C'est gagné, ma chérie. Ouais, c'est largement gagné. On n'a jamais eu quelqu'un d'aussi chaud. Ah oui, la poissonnerie. Jamais. La poissonnerie. Au revoir. Bonjour, vous étiez sur Virgin Radio. C'est quelle poissonnerie? C'est Coquillage la Valentine. Je peux vous dire ça. Oui, je comprends. Ne vous inquiétez pas. D'accord. C'est le deuxième qui m'appelle. On vous embrasse. Salut. C'est le deuxième qui m'appelle. D'accord. On vous embrasse. Écoute, fort. Vous êtes très connu. Salut. Bah, merci d'avoir été avec nous. Et on saura que dans cette poissonnerie, la personne a un bar dans le slip. Oh, c'est gagné. Moi aussi, je suis toujours avec ton pack Virgin Radio. J'aimerais qu'on fasse une ovation à Enora qui a été exceptionnelle. Bravo. Vous êtes superbe. Je vous mets tous dans ma culotte. tous. Oh, c'est gentil. C'est bon, on n'a pas le temps, on a d'autres rendez-vous. Merci, Katia Kouglov. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas pourquoi, je sens que Katia Kouglov va revenir ce matin parce que sur Marseille, je sens qu'elle fait un. Elle fait un carton, hein. Elle cartonne sur Marseille. Il y a l'appel petit cul des auditeurs qui va arriver aussi. Il y a Coldplay et Rihanna. Il y a plein de choses. On est en direct de Marseille. Et dans une minute, je vais vous décrire les studios dans lesquels on est. Je viens d'avoir une idée. Vous connaissez les trucs, là, genre les salons étudiants? Ouais. Ouais. Ouais. Bah, sans déconner, on dirait ça. On dirait qu'on a un stand et qu'on va orienter les mecs. Je vais vous raconter. Il est 7h01 sur Virgin Radio. Allez, les infos de ce vendredi 25 mai avec le frère de Katia Kouglov, Tristan Sarah. Oui, salut Cyril, bonjour à tous. Bonjour! Il est 7h04, vous êtes sur Virgin Radio. Nous sommes le vendredi 25 mai. Nous sommes en direct de Marseille. Marseille, ville de lumière, ville d'une population de 850 602 habitants. Marseille, c'est la bouillabaisse, c'est la bourride, c'est la soupe de poisson, on en parlait, c'est la sardinade, c'est le pastis et c'est Clara Morgan. Ah, voilà, j'attendais quand même. C'est le principal. Vous avez vu tous les gens qui viennent de Marseille, franchement? Soprano, Zidane, Foucault, Patrick Fiori. Bon, il y a Sébastien Grosjean aussi qui est sympa, qui était un joueur de tennis. Tu connais pas toi Grosjean? Pas du tout. Grosjean, il croyait que c'était un jambon. Ah si, un brun un peu beau gosse, je crois. Un brun. un tennisman. Voilà, un tennisman. Un brun tennisman, mais qu'on aime beaucoup. Alors, je vais vous décrire les studios de Virgin Radio Marseille. Alors, à chaque fois qu'on est dans une ville, je vous décris des studios. Et là, j'ai l'impression d'être au salon des étudiants. C'est vrai, tu as raison. Alors, donc, on attend des gens, tu vois, et genre, oui, bon, bah, vous, on va vous orienter vers une technique de commercialisation, vers un BTS, hein, bien sûr, qui se passera en 2 ans. Il y a plein de stands, on dirait, et tu vas voir des gens, et on a l'impression que tu vas repartir avec plein de fascicules. Tu connaissais ces salons d'étudiants où tu vas au moins une fois dans ta vie, ta mère a dit tu devrais y aller quand même. Et, reviens chez toi avec plein de fascicules. Elle dit alors tu sais ce que tu vas faire? Encore moins qu'avant, ouais. J'écoute, ou je vais être expert comptable, ou médecin, ou bien peut-être que je vais me diriger vers une formation de skateboard. En fait, tu sais plus quoi faire, t'as tellement de trucs. Et ben ici, c'est un petit peu comme ça, mais on est très bien reçu à Marseille. On a mangé les meilleures chocolatines, hein, parce qu'on appelle ça. Comme à Bordeaux, les chocolatines. Voilà, c'est ça. Les pains au chocolat. Les meilleures chocolatines de toutes les villes qu'on ait faites. Pour l'instant, il y a Rihanna. Alors, on me dit que non, hein. Il y a quand même des Marseillais qui me disent que non, que tu vis dans un rêve. On n'appelle pas du tout ça chocolatine. Voilà, alors, je me permets, hein, Cyril. Oui, mais je vais te dire un truc. Tu sais, va falloir que tu apprennes. Si j'ai envie d'appeler ça chocolatine, j'appelle ça chocolatine. Si j'ai envie d'appeler un pain au chocolat, même un palmito, je l'appelle un palmito. S'il a tous les droits. Je mange un granola, alors que je mange un couscous. Voilà, qui va me dire quelque chose? Non, mais attendez, c'est bon ou quoi? Il y a Coldplay et Rihanna qui arrivent pour un max de fumée juste après. Il y a l'appel petit cul des auditeurs. Donc reste avec nous sur Virgin Radio. Coldplay et Rihanna avec Princess of China, qui veut dire quoi en français, Nora? Princesse de Chine. Ah bah, vous croyez que t'allais... Voilà, la meuf est très premier degré. Oui, elle je... pas non, mais tu sais quoi, je pensais à faire une vanne, j'en avais pas une assez bonne. Mais ça, bah, t'as bien fait, ma chérie. Donc, il faut s'abstenir des fois. Dans ces cas-là, on se fait l'appel petit cul des auditeurs à 7h09. Virgin Radio, Anna le matin. L'appel petit cul. J'ai la vanne maintenant, non? Ouais, c'est bon, vas-y, Princess of China, vas-y. Tu veux du jambon? Bah, allez! C'est bien ce que je disais, t'avais pas la vanne. Hein. L'appel petit cul des auditeurs, petit rappel du principe, Fabien. Bah, l'auditeur doit placer le maximum de petits culs en appelant un commissariat. Et aujourd'hui, qui est en tête cette semaine? Pour l'instant, c'est Kaina avec 13 petits culs. En fait, elle avait fait 12 petits culs plus un petit coup. Voilà. Donc, on le valide. Donc, voilà. Validé, on le valide. Donc, ça fait 13 petits culs. Voilà. Voilà, exactement. Et à gagner, là, à la fin de cette semaine. Donc, aujourd'hui, vendredi, un séjour sportif d'une semaine avec hébergement en pension complète pour deux personnes dans un centre UCPA. Un gros cadeau. On va savoir aujourd'hui qui va gagner. Et bah, c'est peut-être Sébastien. De toute façon, ça va être ou Sébastien ou Kaina. Salut, Sébastien. Salut Cyril, salut Fabien, salut Nora. Salut. Sébastien, t'habites les Sables d'Olonne, c'est ça? Oui. Et t'es vendeur dans le prêt-à-porter? C'est bien ça. C'est en quel magasin? C'est quoi? C'est une enseigne connue ou bien c'est un magasin? C'est assez connu, oui. Vas-y alors. Prêt-à-porter masculin. Vas-y, c'est masculin, c'est quoi? Armand Thierry. Armand Thierry. Ah, oui. Oui. Ah, oui. Armand Thierry. Bah si, Armand Thierry fait du vélo, il danse le disco, et bye bye below. Armand Thierry, oui, c'est ça. Il fait ce qui lui plaît, c'est pas du tout ça. Mais c'est Armand Thierry, bah on va très bien. Et bah on viendra te voir, Sébastien, c'est au Sable d'Olonne. Oui, c'est bien ça. Alors, Sébastien, tu dois placer plus de 13 petits culs pour gagner le séjour. On appelle tout de suite un commissariat à Marseille. Donne tout, Sébastien. Donne tout. Vraiment, on compte sur toi. Enfin, il y a Kaina qui compte pas sur toi, mais tout le monde compte sur toi. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui. En fait, je vous appelle car j'ai un gros problème. J'ai fait des photos assez coquines de mon petit cul avec mon ex. Et suite à notre séparation, elle a publié des photos de mon petit cul sur Internet. Elle a également imprimé toutes les photos de mon petit cul pour en coller, pour coller les photos de mon petit cul sur les murs de mon quartier. Elle a également mis les photos de mon petit cul dans les boîtes aux lettres et mis les photos de mon petit cul sur les arrêts de bus. Et j'aimerais donc savoir en fait si je pouvais porter plainte contre elle pour ça, car c'est vraiment chiant. Et depuis, quand j'arrête, quand je marche dans la rue, en fait, j'arrête pas d'entendre petit cul à droite, petit cul à gauche, petit cul par-ci, petit cul par-là. Être un beau petit cul. Enfin, tout le monde me demande de toucher mon petit cul. Ça devient vraiment énervant parce que tout le monde voit mon petit cul. Donc j'en ai marre d'entendre parler mon petit cul partout. Donc je voulais savoir si c'était possible de porter plainte contre elle, parce que j'en peux vraiment plus en fait. Oui. Et cette nuit, vu que je travaille de nuit, je viens de débaucher, et même à mon travail, mes collègues, ils ont vu les photos de mon petit cul, et depuis, ils me sentent tous ce petit cul. C'est vraiment, ils ont dépassé toutes les limites, là, j'en peux vraiment plus, donc je voulais savoir si... Il a placé beaucoup, beaucoup de petits culs. Alors, le commissariat, je ne sais pas quel commissariat on a appelé. C'est le commissariat de Marseille, dans le deuxième arrondissement. Tu l'as mis KO, hein, la meuf du commissariat. Vous êtes toujours là? Allô, madame du commissariat? Oui. Vous êtes toujours là, c'est Cyril Hanouna, vous êtes sur Virgin Radio, ça va bien? Ça va, merci. Ah bah, très bien. Réveille, la petite. Oui, ça va, on se réveille doucement, quoi, hein, tout doux, quoi. Non, non, pas du tout, ça va. Bon, bah, je vous embrasse fort. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. On l'a dérangé. Elle était en dépression. J'avais l'impression que la meuf, elle avait 12 ans, elle en fait. Était sous Xanax. Non, voilà, voilà. Je crois qu'elle a contrôlé l'histoire géo à 8h. Elle était canard. Dis-moi, Sébastien, tu as fait un festival. Il y a 13 petits culs à battre. Est-ce que c'est Sébastien qui va partir grâce à l'UCPA? C'est ce que c'est lui qui va gagner un séjour sportif grâce à Virgin Radio. À 7h12, et Nora, donne-moi le score de Sébastien. 16. Petit Sébastien, tu pars! Tu pars en vacances, mon pote, pendant une semaine, un séjour sportif de dingue, en pension complète pour deux personnes, la totale, dans un centre UCPA. Bravo, mon Seb! Bravo! Seb, merci. C'est pour toi, mon chouchou. Je t'embrasse fort, Kaina. Malheureusement, c'est perdu. Merci, on embrasse fort, Kaina. Tu nous enverras des photos sur la page Facebook de l'émission Aluna le matin. Et on te fait de gros bisous. Il y a le grand patron qui est là aujourd'hui, Richard, qui est là. Et Richard. Donc, il arrive. Et dès qu'il est arrivé, je lui dis: attends, Richard, tu peux me laisser 2 minutes, je vais faire un appel petit cul. Allez, ben l'oncle sous la 7h30. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. Sur le show Virgin Radio à 7h15, on va se retrouver dans quelques instants avec Carly Rae Jepsen et Enora qui fera Katia Kougloff. Reste avec nous sur Virgin Radio. Anouna le matin sur Virgin Radio. For a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, red chain skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby. Jepsen sur Virgin Radio à 7h25. Nous sommes en direct de Marseille dans le cadre de la tournée Le Hanouna Tour. Est-ce que ça va, Marseille? Ouais. Il y a de plus en plus. plus de monde. Il y a du short, il y a du bermuda, il y a de la sandale, il y a de la jupe en jeans. Du maillot de l'OM aussi. Il y a du maillot de l'OM. Alors, ici, le truc, quand t'arrives, de toute façon, quoi qu'il arrive, t'es supporter de l'OM. Parce qu'en plus, les mecs sont super balèzes. Moi, ils m'ont demandé, t'aimes qui? Bah, j'adore l'OM. L'OM, j'ai toujours aimé l'OM. Tu vois, t'es né à Marseille d'ailleurs, je crois. Maintenant, mais moi, ils peuvent me dire, voilà, PSG enculé, je le dis. Ah non. Qu'est-ce que t'as dit? Non, le PSG enculé, je le dis. Non, mais t'es malade. Mais oui, mais je vais vous dire, si je suis à Paris, vous me connaissez. Je veux dire Marseille enculé. Non, mais c'est ça. Tu t'adaptes. C'est un petit peu le principe à Nouna. Oula, un vrai touriste. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un monsieur qui s'avance en short derrière moi. J'en ai combattu des bien plus costauds que toi. Hein, non, mais je te le dis, hein, je te le dis. Allez, tout de suite, il y a Katia Kougloff, elle veut reparler aux Marseillais. Je vais revenir vers vous pour plus d'amour. Ouais, le problème avec Katia Kougloff, c'est quand elle fait une phrase, on est sûr qu'on est parti pour 10 minutes. Allez, c'est parti, on envoie tout. La belle culotte de Katia Kougloff sur Virgin Radio dans Hanouna. Ça fait deux fois que j'oublie le Volovskaya. Je ne sais pas, merde. Je suis Voskara, vous faites. Cécilia est avec nous de Chartres. Salut Cécilia. Salut Thierry, salut toute l'équipe. Salut. T'es en congé parental, donc tu t'occupes de tes parents. Le mec comprend rien, tu sais. Allez, t'as combien d'enfants, Cécilia? C'est bon ça. J'ai deux enfants. Alors c'est Cécilia ou Cécilia? Cécilia. Cécilia, d'accord, parce qu'il manquait un i sur ma fiche, donc ça c'est encore une personne au chômage. Ça en fait beaucoup, un déjà. I de moins, et c'est le chômage qui augmente en France. Cécilia, tu vas jouer avec Katia Kougloff. Elle va essayer de rester une minute avec un commissariat à Marseille, puisque nous sommes en direct de Marseille. Tu sais qu'elle est très très chaude, c'est un commissariat qu'on appelle là. Je sais pas pourquoi je dis commissariat. Non, on appelle un bar PMU. Un bar PMU, un bar de supporters. À Marseille, un petit bar de supporters. Un café sport. Et ben c'est parti. Comme on dit, un café sport, vas-y. Un café sport. On appelle le Terminus. Hey, ah. Je suis complètement fan de Katia Kougloff. Elle se parle. Katia Kougloff, même au Terminus, il reste des gens. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Une personne masculine près de vous qui peut parler à moi, s'il vous plaît? Mais à quel sujet c'est? Mais c'est le problème que j'ai besoin d'un homme pour me faire visiter la ville. Je suis touriste, j'habite pas loin de votre café. Pardon? Il n'y a personne. Allô? Là, madame, pour le moment. Mais peut-être vous, madame, ah, j'aime aussi les femmes. Mais peut-être plus tard. Non, j'ai pas le temps pour le moment. Allez. Mais vous pouvez me passer une adresse? Bah, apparemment, allô? Elle, oh là, n'a là. Pas le temps. C'est une conne, elle est méchante. Elle chante avec moi. Est-ce qu'on donne une deuxième chance à Katia Kougloff? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, on appelle un autre, vous. Je ne doulou pas voulu. On sait que tu l'as volé. Je ne doulou pas voulu. C'est tout la volé. Ça s'appelle le petit bosquet. Et Dieu sait que t'en as vu des petits bosquets. C'est caché. Allô? Allô? Oui. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, c'est bonheur de t'avoir téléphone. Je suis Katia Kougloff. J'arrive à Marseille. Je suis perdue. J'ai besoin que tu m'aides à visiter la ville. Je suis très coulotte. Et vous vous trompez de numéro, hein? Mais pas du tout. Tu peux m'aider. Je veux connaître les jeux des boules, la pétanque, tu voulais être mon cochonnet. Allô? Apparemment, non. J'ai un problème. Moins de chance avec les PMU. Tout à l'heure, ça marchait. Et voilà. Ben, malheureusement, c'est perdu, Cécilia. C'est perdu. On a essayé deux fois. On a tout fait pour toi. On a tout donné. Hein. On t'embrasse très fort et tu restes à Chartres. Et quand tu viens nous voir à Paris ou à Marseille ou quand on est en tournée, tu passes une tête, d'accord? Y'a pas de soucis. Je t'embrasse fort, Cécilia. On se fait FUN tout de suite à 7h29 sur Virgin Radio. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. I'm not all that you got. I guess that I the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. FUN sur Virgin Radio à 7h31. Je vous rappelle qu'on va vous offrir votre forfait à 7h36 environ. Donc inscrivez-vous 771-500 code max MXX. Et il y a Kelly Clarkson qui va arriver. Il est 7h31. Dans l'actu sport, d'abord, un mot de foot avec la finale de la Coupe du Roi ce soir en Espagne. L'Athletic Bilbao va défier le FC Barcelone à 22h à Madrid. En rugby, Castres face à Montpellier ce soir, 21h à Toulouse, en barrage du top 14. Le vainqueur jouera justement contre Toulouse lors de la première demi-finale le 2 juin au Stadium. Clermont, lui, attendra demain soir pour connaître le nom de son adversaire du 3 juin. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, on retrouve toute l'équipe d'Anouna le matin en direct de Marseille. Très bon réveil sur Virgin Radio. Doesn't kill you, makes you stronger. Doesn't kill you, makes you stronger. Clarkson à 7h37 sur Virgin Radio. Nous sommes en direct de Marseille et c'est pas ça qui va nous empêcher de payer le forfait. En 2012, avec Virgin Radio, arrêtez de raquer. Vous êtes des pigeons et vous le savez. Anouna le matin vous offre votre forfait mobile. Ce matin encore, on va payer le forfait mobile. Un an de forfait, un beau chèque préparé par Virgin Radio. Et aujourd'hui, je vous le dis, si le chèque part, je vais faire du zouk marseillais. Eh oui. Ah, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes à Marseille, il y aura du zouk marseillais. Ça va zouker, ça va marseiller. Je me demande ce que ça va donner. Ah, mais moi, créole, l'accent marseillais, mais le truc, c'est que moi aussi, je me demande ce que ça va donner. C'est le gros problème. Et vous aussi qui nous écoutez sur Virgin Radio, vous devez vous demander, est-ce que ça va bien donner ou pas ? Franck Gerbert, on va composer un numéro. La personne doit répondre, je vote à Nouna le matin sur Virgin Radio. Si en plus, elle peut faire l'accent du Sud, quand elle répond, ça serait encore mieux. Ce serait plus commode. Ah oui, je vote à Nouna le matin. C'est ça. Non, c'est pas vrai, c'est l'accent de moi. Il y a un petit coup d'André Rolou là. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il est un peu de Marseille. Bah ouais, André, ouais. Forcément. Ouais, c'était de. Sachez-le, André Rolou est de Marseille. C'est toute la région PACA. C'est toute la région PACA qui parle à travers sa bouche et à travers ses blagues. Attendez, on appelait. Messagerie orange. Claudie, c'est mort. Aujourd'hui, je veux que le forfait parte. Franck Gerbert, tu me sélectionnes une autre personne tout de suite, c'est parti. Eh ben Claudie, elle est passée à côté du chèque, hein. Ah Claudie. Eh ben voilà, bah pourtant, c'est Claudie. Claudie, bah ouais, bah non. Pourtant quoi? Pourtant Claudie, quoi, elle avait un nom à gagner. Claudie, Azouké. C'est pas derrière. Attention, on appelle Mélanie. Je passe pour Amina le matin sur Virgin Radio. Oui. Mélanie, il faut que tu baisses ta radio là, parce que là on est au bout du rouleau, on a l'impression qu'il y a Jean-Roch avec toi. À côté, oui, qui est au platine. Oui, oui. Mélanie, t'es où? Je suis au boulot. T'es au boulot, tu fais quoi? Je suis employée de commerce au supermarché. Employée de commerce, t'habites où? Ça se passe où ça? C'est à Strasbourg. À Strasbourg, ma chérie. Vas-y, réunis tous tes collègues là. Réunis tous tes collègues. Mettez-vous autour du téléphone. Vous allez me faire un zouk de forfait, c'est payé sur Virgin Radio, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts? Oh, mon Winnie envoie la musique. Ouais, bah, vous êtes pas prêts du tout. Le forfait, il est payé. Le forfait, il est payé. Le forfait, il est payé. Le forfait, il est payé. Il est comme un oui, le forfait, il est payé. Oh, oui, peu cher. Il est payé. Oh, il est payé. Oh, mais cher. Ah, c'est vrai que c'est Marseillais. Et bah, voilà. Et bah, c'est gagné, ma chérie. Mélanie, tu payes combien par mois? Tu payes combien par mois? 19 euros. Ah, bah, écoute, on va te faire un chèque de 19 euros multiplié par 12. Et Franck Gerbert, sans déconner, j'ai l'impression d'avoir Bertrand Renard des chiffres et des lettres. Ah, il est fort. Il m'a fait 19 euros. Ça fait combien? Ça, c'est ça quoi? Ça fait 228. 228 euros par mois. C'est fini, le téléphone, c'est plus un souci pour toi. On vous écoute tous les matins, vous êtes super top. Vous êtes mettez des la amours. Patate dans tout le labo. On vous embrasse très fort, on embrasse tout le labo et on en passe tout Strasbourg. Salut Mel. Merci, ciao. Salut Chouchou, on va retrouver Laurent Veil et puis il va y avoir, avant 8h, il y a des supporters de l'OM qui sont là. On va faire le jeu des supporters avec des mecs de l'OM qui sont là, qui sont en train de se préparer. Vous allez devoir découvrir des titres de Virgin Radio sur des chants de supporters. Ça, ne le loupez pas. Pour le moment, c'est Keane avec Everybody's Channel. C'est vrai que tout le monde change, même toi, Inora. Enfin, j'ai envie de dire surtout toi. Tu te donnes un genre et c'est pas toi, je te reconnais plus. 7h41 sur Virgin Radio. I came across a sur Virgin Radio à 7h44. On était bien, on est à Marseille, dans les studios de Virgin Radio. Tous les Marseillais se sont pris la main, se sont embrassés. Ils sont là, ils sont prêts. Les supporters de Marseille sont là. Est-ce que vous êtes là, les supporters de Marseille? On va vous préparer le jeu des supporters. Ce sera avant 8h, mais là, on doit rejoindre quelqu'un qui est à Cannes, car Virgin Radio est partout dans France. Je vais vous dire, on a un correspondant partout. On est sur tous les coups et il y a Laurent Veil qui est à Cannes. La chronique cinéma avec HP, partenaire officiel du Festival de Cannes. Action. Eh oui, Virgin Radio est à Marseille, Virgin Radio est au Festival de Cannes. Virgin Radio est où grâce à Laurent Veil actuellement? Laurent Veil, où vous trouvez-vous? Où te trouves-tu, mon bébé? Écoute, je suis sur la croisette et tu sais que tu me fais un beau cadeau parce que je suis supporter de l'OM. Hein. C'est vrai, Lolo, t'es à fond, ouais. Vas-y, chante-nous un petit chant là de l'OM, vas-y. Si t'es fier d'être Marseillais, tape dans ton main. C'est pas du tout ça. Non, qui ne saute pas n'est pas matériel. C'est pas lyonnaise, hein. N'est pas Marseille. Voilà, tout ça. Mais surtout, il y a Didier Drogba qui était à Cannes il y a deux jours. Il a pécho Rihanna, tu le sais, Lolo, ou pas? Pardon? Drogba a pécho Rihanna, je te le dis, Lolo. Non, alors tu ne savais pas cette info. Moi, j'ai dit Drogba, mais... Bon, te la donne, mon pote. Elle va s'appeler Rihanna Drogba. C'est bon, ça. C'est bon. Il y a Jeannette aussi, Jeannette Jackson qui était là hier, tu sais, il y avait l'âme phare et tous les ans ils essayent de récolter des fonds pour la recherche contre le sida et Jeannette Jackson a fait un aller-retour, donc elle était à Cannes hier soir aussi. Quelle belle idée, c'est très bien. Pas mal, non? Voilà. Qu'est-ce que t'as vu, Lolo? Qu'est-ce que t'as vu hier? C'est toujours pas ça, hein. J'ai vu Peter Bosch hier avec... Il est en déprime, Lolo. Pardon? T'es en déprime, mon chaton. Bah écoute, j'ai pas vu grand chose encore, à part toujours pareil, à part le Audiard, le Carax, qui est vraiment intéressant. Je vois le Cronenberg, là, dans une demi-heure. J'espère. Tu vois le Cronenberg? Avec Robert Pattinson, c'est ça. Robert Pattinson qui va allumer la croisette ce soir. Hier, c'était Zac Efron. C'est un peu classe biberon, hein. Zac Efron hier et Pattinson ce soir. Mais écoute, voilà, au moins, ça met de l'ambiance en bas des marches. Donc c'est plutôt bien et ils mettent un peu le feu sur la croisette. Comme l'ambiance est plutôt morose, ça fait du bien à tout le monde. Quel est ton pronostic, Laurent, pour la Palme d'Or? Ah, c'est difficile. Écoute, moi j'ai toujours un énorme coup de cœur pour le Audiard. Je sais pas si Nani Moretti, qui est quand même un président du jury, à mon avis, un petit chouille particulier, ira dans ce sens-là. Mais j'espère que le film sera dans le palmarès. Après, je pense qu'il y aura le Carax, il y aura peut-être la Heineke aussi, Amour avec Jean-Louis Trintignant. Dis-moi, il y a que des marques de bière là-bas. Heineke, Cronenberg. Et dis-moi, le 1664, il va être comment là? Il va être très bien. Je vois le film demain, je te dirai. Bon, bah tu me diras, d'accord. On t'embrasse très très fort, Lolo. Merci d'avoir été avec nous. Salut, Lolo. On va embrasser Marseille, bye. Très bien. C'était la chronique cinéma avec HP, partenaire officiel du Festival de Cannes. Vivez aussi le Festival de Cannes sur la page Facebook HP France. 7h47, dans quelques instants, il y aura des supporters marseillais qui vont vous chanter des titres de Virgin Radio sur des chants de supporters. Il y en a même un qui a dit, je suis tellement agité que je vais me mettre en slip et vous pourrez peut-être le voir en streaming sur la page Facebook de Virgin Radio. Restez avec nous. Hanouna le matin sur Virgin Radio. 7h55, quel bonheur de vous réveiller ce matin encore, en ce vendredi 25 mai, en direct de Marseille, en direct des studios Virgin Radio Marseille. Est-ce que ça va les Marseillais? Ouais. Des supporters de l'OM sont là. Alors tous ceux qui vont nous écouter là actuellement et qui ne sont pas supporters de l'OM, ne vous inquiétez pas, parce que ils vont chanter des titres de Virgin Radio sur des chants de supporters. Et je vais en prendre un d'eux, qui est le porte-parole des supporters. Et s'il dit pas vive le PSG, vive Lille, vive Montpellier, vive Guingamp et vive Louan Cuiseau, je le mets en slip. Je le mets en slip, je vous le dis. Ce sera tout de suite, c'est parti, jingle. Virgin Radio, Anna le matin. What's up? Aux armes, c'est je les supporters, c'est je les supporters, supporters de l'OM, supporters de l'OM, allez l'OM, allez l'OM. C'est long, mais c'est pas mal. C'est ce que disait l'ex. Voilà. On y va. De qui on sait pas. Non, c'est bon. Il y a Jonathan de Cherbourg qui est avec nous. Salut, John. Bonjour les petites beautés marseillaises. Bonjour Jonathan, fais-nous l'accent ce matin. Tu vois, t'es de Cherbourg, mais ce matin on est à Marseille, il faut que tout le monde ait l'accent. Hein. Bonjour Jonathan. Oh bonjour, peu cher. Tu fais quoi dans la vie, Jonathan? Alors je suis vendeur de peinture. De peinture? De peinture. Alors tu vends quoi comme peinture? Alors je vends de la peinture pour les plafonds, pour les murs. Et puis je vends aussi des fois des peintures pour Jason le maçon. Ah, sympa. mais ça y est, depuis qu'il est marseillais, il est devenu mytho. C'est le problème, ça. Jonathan, tu vas jouer avec un groupe de supporters. Alors, qui est cette personne dont il y a le micro? Alors, il y a le COP, hein, le chef du COP, c'est JB. Salut JB. Salut JB. Alors, maillot de l'OM, hein, bien évidemment, sûr. Hein, on sent des mecs, tu le vois dans la rue, même habillé en costume, tu sais que c'est un supporter de l'OM. C'est pas pourquoi ils sont le supporter de l'OM. Tu vas à tous les matchs ou pas? Tous les matchs dès que je peux, mais. Mais t'es à fond. Bah, j'essaye. Bah, ils ont fait une saison de merde, l'OM, quand même. Non, on passe à la question suivante. Très bon, Julien. Ah, c'est tendu, point faible. On dit toujours ça ira mieux l'année prochaine. Faut espérer. Mais bon, moi je pense que là, ça ira mieux dans 3-4 ans, l'OM. Mais il y a même des filles. Hein, mais bien sûr qu'il y a des filles. Mais ça y est, les filles aiment le foot. Alors, je vais choisir une personne qui est là-bas parce qu'il est très costaud. Hein, c'est un des supporters. Vous allez à l'homme voir, aux grosses cuisses. Vous allez le voir en streaming sur la page Facebook Virgin Radio. Filme ses cuisses. Fabien, est-ce que tu peux aller le voir avec ton micro, s'il te plaît? Parce que Fabien, c'est un petit peu notre envoyé spécial. Alors, ça y est. Alors, comment tu t'appelles? Julien. C'est Julien. Julien, je vais te dire. Avant qu'on va faire le jeu, après, je vais te laisser réfléchir. Pendant le jeu, tu vas réfléchir. C'est où, à la fin du jeu, tu me dis allez Paris, aïe, aïe, aïe. Allez Montpellier, allez Lille, OM aux chiottes. C'est où ça? Non, si. Ou bien tu termines en slip. C'est bon, le slip. Il a déjà choisi le slip. Réfléchis quand même, parce que quand je vois ton corps, je me demande si tu devrais pas dire au choc l'OM. Je te le dis. Voilà, moi si j'étais toi, je ferais ça. Je te laisse réfléchir. On démarre le jeu avec Jonathan. Tu dois trouver ce que chantent les supporters de l'OM. C'est des chansons qui passent sur Virgin Radio. D'accord, John? Il peut gagner un Picopix, hein, John. J'avais juste envie de le dire, parce que Picopix, ça me fait rire. Il peut gagner un Picopix 23-30 de chez Philips. Non, c'est un super beau cadeau, ça. Oui, c'est un vidéoprojecteur incroyable de poche qui peut se brancher à plein de trucs, à ton smartphone, à des consoles et tout. C'est vachement bien, c'est un super cadeau. Alors, est-ce que les supporters sont prêts? Allez. Ouais, allez. Vous jouez tous avec nous sur Virgin Radio. On est en direct de Marseille, il est 7h58. Les supporters de l'OM sont là. On essaie de trouver ce qu'ils chantent. C'est parti. Moi, je n'étais rien. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Vous pouvez détruire ce qui vous plaira. Je l'aime à mourir, oui moi je l'aime à mourir. Aux armes! Aux armes! Ils sont dedans. John, et bravo, applaudissements pour eux, les gars. Attends, c'était vachement bien. Et ils aiment pas s'applaudir. Attends, ils sont hyper pas. Pas. On repasse qu'on peut pas, là. Ils sont dedans, les mecs. John, est-ce que t'as trouvé qui chante ça? Shakira. Oui. Moi j'aime bien la version des supporters. Hein. J'aime bien. Je me demande si c'est pas mieux que celle de Shakira. Julien, est-ce qu'il réfléchit là? Il est sur quoi alors? Au chiotte l'OM ou le slip? Fabien, le micro. Le boxeur. Ah, t'es en boxeur? Alors attention, tu sais quoi, je change. Il a un air pervers quand il dit ça, il me fait peur. Hein. Si t'es en boxeur, je t'explique, je change. Ça sera à poil avec une tasse sur le zip. Arrête! Non. Ah bah on est obligé. Tu sais, c'est que Julien me disait qu'on le confond avec Michael Vendetta. Non, c'est pas vrai. Ah, j'espère pas, non? Non. Allez, deuxième extrait tout de suite, c'est parti. Quand je serai grand, je serai un bugiste. Ouais, bien pilote de Formule 1. Ouais, en attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Ouais, le rouge et le noir, le bleu et puis l'espoir. Ouais, de toutes les couleurs, j'aime en voir. Ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Il faudrait savoir ce que tu veux. Ouais. Bravo! Bravo les supporters, bravo! Ça commence à m'exciter un peu. John, vraiment, tous ces hommes. Viens. Attendez, s'il vous plaît, attention parce que John joue pour le Picopix de chez Philippe. Ça se joue maintenant. John, est-ce que t'as trouvé qui chante ça? Christophe Willem. Oui, c'est gagné! C'est gagné, mon pote, le Picopix 23-30 de chez Philips, le super vidéoprojecteur. Bravo, gros cadeau pour toi, mon pote, bravo. C'est cool. On t'embrasse très très fort, John, et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements aux supporters de l'OM, bravo. Ouais. Et on va lui laisser le temps de l'information à Julien pour choisir au chiotte l'OM dans 3 minutes ou bien Julien en slip dans les studios de Virgin Radio Marseille. Il est 8h01. Anouna le matin, il est sur Virgin Radio. 7h04, vous êtes sur Virgin Radio. Nous sommes le vendredi 25 mai. Nous sommes en direct des studios Virgin Radio de Marseille. Comment ça va les Marseillais? Ouais. Des supporters sont là, des meufs sont là, des Marseillais tout simplement sont là. De la bouillabaisse va arriver. Voilà, bah c'est Marseille, on est bien. Clara Morgan ne va pas passer ce matin. Merde, tant mieux. Bon, on aurait bien aimé. Quoi, qu'est-ce qu'elle a avec Clara Morgan? Ouais, c'est pas la belle, elle est débile. Elle est maligne niveau business. Ça reste une personne qui. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai du mal avec elle. Je sais qu'en plus elle est désagréable. Mais c'est bizarre. Elle est très belle. Et non, elle est désagréable et on le sait. Elle nous envoie un calendrier, ne dis pas on ça. On le sait tous, elle est désagréable, elle la raconte alors que ça reste. Mais pas du tout, elle nous a envoyé un calendrier. Une femme de petite vertu, elle, c'est tout. Elle, voilà. elle croyait qu'on allait se tromper dans les dates. Femme de petite vertu, Clara Morgan, écoute-moi bien si tu m'écoutes. Tu restes une femme de petite vertu. Quoi que tu fasses. Je peux pas laisser dire ça. Ne l'écoute pas, Clara, viens nous voir, on va s'excuser. Non, mais pas du tout, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas tourné. Non, mais je vous le dis. Oh, dans un film. Mais en général. Non, mais je vous le dis. Pourtant, c'est ce qu'elle sait faire de mieux, crois-moi. Oh là là, mais non. Alors, non, mais les femmes sont méchantes entre elles, j'aime pas ça. Biobi va arriver. J'ai raison ou pas les filles? Non. Mais si elles ont dit oui. Non, il y en a qu'une qui a dit oui, mais c'est ta cousine. Il y a Biobi qui va arriver, il y a Likely aussi pour un max de tubes sur Virgin Radio. Et là, je vous le dis, dans 3 minutes, on va se faire un Y a-t-il un flic qui s'appelle Bernard. Ouais. Parce que nous sommes à Marseille, on doit vérifier, est-ce qu'il y a un Bernard à Marseille? On va chercher le nom du commissaire pendant Skip the News. Il est 8h05, bon réveil. Time is running out, ghost keeping me alive. Survive. 8 o'clock in the morning. Too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? You make up your angry eyes. You stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms. I want to be fine. 20 minutes and I'm ready. It's not raining today. I'm late and I must hurry. Welcome to my way. I'm sorry, it's not raining today. Kill the light, I can see. Time is running out, girls keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, girls keeping me alive. I get what it means, you have to survive. You know I'm on the road. We are playing tonight. Ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. What they're saying to me, I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I'm on obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, focus, sleep and get free. Skip the News sur Virgin Radio, ce groupe lillois, parce qu'on est aussi sur l'île avec Virgin Radio, on est partout où il y a du bon son, et ça c'est nous qui vous avons fait découvrir Skip the News en premier sur Virgin Radio. Il y a un ami qui est là, qui s'appelle Julien, qui est supporter de l'OM, il avait un dilemme, est-ce qu'il allait se mettre en slip, ou est-ce qu'il allait, viens sur mes genoux, oula, attention, parce que c'est qu'il a tué des gens avec ses cuisses, je sais, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur la page Facebook de Virgin Radio, et vous allez voir la masse qui est sur moi, respire sur la tête des canards, j'ai l'impression d'avoir un Boeing. Il déménage un 747 sur moi, sans déconner. J'ai l'impression qu'il s'est posé sur moi. Je suis une Il est très sympa, il est très épais, mais il est très sympa. Bah oui, j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est comme le Benko. Il est très épais, mais très sympa. Alors, Julien, tu dois décider. Est-ce que tu vas dire Au chiotte, l'OM, tu es supporter de l'OM à fond. À fond, bien sûr. À fond, ça veut dire Paris, tu pourrais jamais aller voir un match de Paris. Contre l'OM, oui. Mais tu dis quoi pendant les matchs quand il y a Paris? Que se faire enculer. Oh là. Alors, excuse-nous, il y a des enfants qui. Au moins, c'est clair. Au moins, le message est clair. Non, mais le message est clair. Voilà. Julien dit les choses. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Il dit les choses. Voilà, après. C'est violent. Mais bon, c'est pas violent, vous les aimez bien quand même. Non. Un petit peu. C'est quoi le problème? Non. Vous savez qu'il y a des Parisiens très sympas. Ben oui. Cyril, il est Marseillais, non? Alors, non, Cyril, il est parisien, et pourtant tu l'aimes bien. Attends, je vais te dire. Il a été baptisé à la bonne mère. Le mec fait 600 kilos. Écoute-moi bien, moi je vais te dire, tu sais quoi, je suis parisien. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il y a Hulk qui se lève. Il était sur mes genoux, il veut partir. Julien, où tu dis au chiotte l'OM, où tu te mets en slip tout de suite? Qu'est-ce que tu choisis? Je me mets en slip. Et voilà, vache. Eh ben alors là, franchement, alors, il le dit, c'est Léon, le serial killer. C'est Léon, quoi. C'est moi qui vais enlever le short de Julien. Ah, vous nous écoutez sur Virgin Radio. Sensuel. C'est la première fois que je fais ça et je me sens très très mal. Je ne pense pas que voilà. Donc j'enlève actuellement son short. Ça, voilà. Vous pouvez évidemment voir ça sur. En effet. Il n'est pas venu tout seul. Ils sont plusieurs. Ah oui, apparemment. Vous pouvez venir voir ça sur Facebook de Virgin Radio. En direct, on est en streaming, les enfants. Voyez ça en direct. On pourrait voir qu'il a caché une langue de belle-mère dans sa culotte. Et ben voilà, regardez, c'est un scandale. Franchement, félicitations. Écoutez, monsieur, le slip est joli. Ah oui, mais vraiment, il faudrait mettre le t-shirt dans le slip. Ah oui, voilà, c'est un slip. Dans le slip. Ah, mais voilà. Il a gardé les baskets. Mais non, on est à Marseille, il y a la boule de pétanque, c'est tout simplement ça. Ah oui, avec la triplette. Bravo. J'adore parce que, quand même, Enora, tout le monde dit bravo, un mec qui se met en slip, tout le monde dit bravo. Je félicite l'audace de Julien. C'est vrai. Et il faudra rendre les boules de pétanque. Que t'as dans Léo, putain, merci parce qu'on on va jouer dans quelques instants. Merci Julien, applaudissements pour lui. Julien qui ne dira jamais au démonté, shot l'OM. B.O.B. tout de suite sur Virgin Radio et juste après on vérifie s'il y a un flic qui s'appelle Bernard sur Marseille. 8h11, bon réveil. With a Cuban cigar, in the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulder, she probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style, tonight is bitchy perfect. So smile, and pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Class cabin fever, 5-hour layovers from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby, I could use a feature. Swagger like Caesar, I'll get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be Da Vinci if you be my Mona Lisa. And I smile, so pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Make it plural. So maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your month, baby. Sign up to Virgo. Private reservation. Smile. So pack your bags real good, baby. Cause you'll be gone for a while. Living life. sur Virgin Radio à 8h14. Merci. Et Nora qui est en train de chanter. Elle est à fond dans l'ambiance supporter de l'OM, supporter de foot. Alors, on a vu tout à l'heure hein, Julien qui a pas voulu dire au shot l'OM et qui a préféré se mettre en slip. Est-ce qu'il y a une personne parmi les supporters de l'OM qui est capable de dire au shot l'OM? Ah oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable? Alors, il y en a un à côté qui vient de se désigner. Voilà. Moi, je l'affirme ouvertement. Je dis à tout le monde, au shot l'OM. Oh là là là là là! Non mais Julien s'énerve. Je ne veux pas d'embrouille ici. Dans 3 minutes on va vérifier s'il y a un Bernard dans un commissariat à Marseille. Et il y aura Like Ely pour un max de tubes sur Virgin Radio. Il est 8h15. Vous en voulez plus? Écoutez Virgin Radio, la musique à partager. Hanouna le matin sur Virgin Radio. Direct de Marseille dans les studios de Virgin Radio. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on vérifie s'il y a un flic qui s'appelle Bernard à Marseille? Ouais. Est-ce qu'a priori il y en a un? Personne ne sait. Eh ben, on va vérifier. Eh ben, c'est fait pour ça. Hanouna le matin. Le y a-t-il un flic qui s'appelle Bernard sur Virgin Radio? Y a-t-il un flic qui s'appelle Bernard? Pour jouer avec nous, il y a Solène. Salut Soso. Salut, ça va? Ouais, salut, très bien. Soso. Et toi Soso? T'as 18 ça ans, t'habites Dijon, c'est ça? Ouais. T'es étudiante en quoi? Je suis dans tout ce qui touche les musées, le patrimoine et les bibliothèques. Ah, pas mal, le patrimoine. Bah, moi, j'en ai pas, donc tu vois, tu pourras pas t'occuper de moi. Je pourrais pas te toucher. T'en trouver, y a pas de souci. Ah, ça nous intéresse. Ah oui, ça va trouver des patrimoines. Enfin, Enora, ça fait 15 ans qu'elle cherche son patrimoine, elle a toujours pas trouvé. Je te trouverai jamais. Parce que son mec, je vous confirme tout de suite, c'est plus un musée qu'un patrimoine. Je confirme, c'est le musée Grévin à l'intérieur. Il est en cire. Ouais, j'y vais, moi, je balance. Mais t'as raison. Il est en cire, le cœur. Solène, on va appeler le commissariat de Marseille, on va vérifier s'il y a un flic qui s'appelle Bernard, d'accord? Tu joues pour un pack Virgin Radio, c'est parti, envoyez le number. Franck Gerbert compose le numéro. Allez. Rien qu'avec les yeux et compose. Bon voyage. Je mets les lunettes, je suis obligé. Bah oui, bien sûr. T'as un nom de commissaire, j'imagine. Oui. Oula, ça y est, elle est dans le perso. C'est Mango ? Oui, bonjour, commissaire, est-ce comme la bouilla? Est-ce que je pourrais avoir Bernard, s'il vous plaît, de dire PCJ de Cergy? Ne quittez pas. Merci bien. Bien Bernard à la DT? C'est commissaire, mais c'est comme la bouilla là. Apparemment, on se dirige vers un trafic de boule de pétanque. Tandis que sur la reine 13. Tu connais les mecs qui disent des mots comme ça, on comprend pas. C'est tellement Yves Mourouzi, bon. Sur la RN 13 de la départementale de Cassis. C'est vrai qu'il y a de la bouillabaisse, mais dans la bouche. Elle va être dans ta gueule, la bouillabaisse. Il est vénère, c'est commissaire vénère. Apparemment, Bernard est absent. Allô? Allô? Faut rappeler là, hein. Ah, on rappelle tout de suite. Là, apparemment, il y a un Bernard. J'adore parce que Franck Gerbert, il fait ça a raccroché. Tout le monde avait remarqué. C'est Franck Gerbert, c'est le mec, tu sais, qui dit bon, c'est bon, ça a raccroché, les mecs. On rappelle tout de suite. Je veux avoir ce Bernard. Parce que je joue pour Solène, elle est étudiante en musée, en patrimoine, je veux ça. On rappelle le même, là? Oui, faut peut-être monter le ton un petit peu, Cyrène. Ah, mais bon. T'es marrant, toi. T'es marrant. Allô? Allô? Oh, apparemment. Alors, ton halo ne plaît pas, a priori. Il ne t'occupe pas du tout. C'est un gros problème. On peut en appeler un autre, peut-être. Ouais. C'est le Marseille Canebière, là, en plus. Ah, il est plus sympa, celui-là. Celui-là. Plus détente. Il est beaucoup plus détente. Apparemment, ils sont partis au bar. Ils sont à l'apéro, Marseille, à 8h27. C'est l'apéro, là? Bah. Oui, c'est le pastis, normalement, 8h27, là. Bonjour. Oui, bonjour. C'est le commissaire de Marseille? Oui. Commissaire Besson Labouya, est-ce que Bernard est là? C'est au sujet de la DREP, c'est de la Airlit. Concernant la Renault 25. Ah, la BRB, ils sont pas ici, hein? La BRB, non, parce que j'ai eu Bernard, il est dans les parages, dans les environs. Bernard, c'est son prénom ou son nom de famille? C'est Bernard, c'est son prénom, hein. On est assez proches, puisqu'on a travaillé ensemble sur l'affaire du cassoulet tueur, sur la jambe PACA. Allô? Oui? Oui, on a travaillé ensemble sur l'affaire du cassoulet tueur, il y a de ça deux ans, sur la région de PACA, également le Languedoc Roussillon. Il est là, Bernard, ou pas? Mais Bernard? Excusez-moi, Bernard, comment? Bernard le flux. Bernard le flux. Mais je comme son nom pas, l'indique. Je comprends pas, monsieur. Bernard le flux, c'est comme son nom l'indique. Bernard le quoi? Le flux, comme son nom l'indique. Comme par hasard, quoi. Comme de bien entendu. Bon, monsieur, je suis désolé, mais je vous comprends pas. Écoutez, hein. C'est le commissaire. Écoutez, c'est le commissaire Besse, là, comme la bouillarde. Dites-moi, j'appelle au sujet de la DRBUV de la Lille. Les RB, ils sont pas ici, monsieur, ils sont à l'hôtel de police. Pas ce petit ton-là, oh! Pas ce petit ton-là avec moi, bon, ma petite monsieur, dame. Je vous fais la ligne, donc voilà. Contactez l'évêché. Hein. Et Bernard, il est là? Il y a un Bernard, qui, ou Bernard pas? Monsieur? Bah, Bernard, le nick! Oui, vous êtes sur Virgin Radio, c'était Cyril Hanouna, comment ça va le commissaire de Marseille? Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ça va bien, il n'y a pas de Bernard alors? Non, il n'y a pas de Bernard ici. Aïe, il n'y a pas de Bernard. Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est rigolo. Vous êtes un amour, merci beaucoup. Vous savez qu'on est à Marseille, là, on est dans les studios. Peut-être que je passerai vous dire bonjour, d'accord? Allez, venez, il n'y a pas de soucis, on vous attend. Vous êtes un amour. Solène, malheureusement, c'est perdu, chouchou. C'est désolé, c'est pas grave. Ouais, bah, c'est pas grave. Rien n'est grave. On dirait que tu sais qu'elle non, mais t'as fait ton maximum, alors ça me va très bien. C'est vrai, c'est la dernière fois qu'une meuf m'a dit ça. Merci, Solène, d'avoir été avec nous ce matin. Je t'embrasse très, très fort. Il y a Rihanna qui va arriver et je vous rappelle que vous pouvez gagner un Ultrabook HP. Ce sera dans 5 minutes, les chéris. Donc, restez avec nous. Inscrivez-vous 71-500 code max MAXX. Pour le moment, il est 8h30 sur Virgin Radio. C'est les infos. For you, babe. Sur Virgin Radio, il n'y a que du bon son. Sur Virgin Radio, il y a les Simple Plan qui arrivent, il y a Gauthier, il y a GW aussi, Jean Walter, le coiffeur paysagiste qui appellera avant 9h. Claire Fontaine, il veut coiffer l'équipe de France de foot. J'en ai assez que ce soit tout n'importe quoi. Je batte en touche. J'en ai marre. Mais pour le moment, c'est Brad Pitch avec HP. Anna le matin. Le Brad Pitch Virgin Radio avec HP. Ah, c'est l'événement de cette semaine. Et oui, il y a l'Ultrabook HP Envy 4, le dernier né des PC ultra portables signé HP qui est à gagner. Il est équipé des processeurs Intel, de la technologie Beats Audio. Il est fin, il est léger, il a 9 heures d'autonomie. C'est un bijou signé HP. Qui le veut ici dans l'équipe? Wow. Personne ne l'aura, c'est pour les auditeurs. Et qui va jouer avec nous aujourd'hui? C'est tout. C'est tout. Salut, oui. Salut Cyril, salut Nora, salut Fab. Salut. On dit tout? Tout. Tout, on dit tout. C'est quelle origine tout? Parce que ça s'écrit T-H-U. T-H-U, ok. C'est oui, quoi? C'est vietnamien. Ah, d'accord. Je me disais aussi, tu sais quoi, ça me rappelait, parce que quand je vais souvent dans des restaurants avec la main, on sait pas ce qu'on voit, mais on dit, oh, je vais prendre un tout. Tu vois, bah, ouais, bah voilà, c'est moi. Je vais prendre un tout. On te prend toi, ma chérie. Bah ouais, on te prend toi. Voilà, à chaque fois. T'habites Anthony, t'es vendeuse en prêt-à-porter. Quelle marque? Je peux le dire? Ouais, vas-y. Jennifer. Ouais. Je connais pas, tu connais Nora? Ouais, je déteste. Oh, ouais, t'as des petites lourdes. Et quoi? Je peux t'aimer bien. C'est vachement sympa, je rigole. On est partenaire ou pas? On est pas partenaire. Non, c'est pour les petits ados essentiellement, mais ça plaît bien quoi. Mais c'est bien, puis c'est pas trop cher. Non, Jennifer, ce qui est bien, c'est que c'est pas cher. Voilà, avec Jennifer, c'est pas cher. Avec Jennifer, c'est pas cher. Avec Jennifer, c'est pas du tout cher. Si vous voulez, je vous fais la pub. Ça y est, c'est dans la boîte, c'est parti. Tu vas jouer donc pour l'Ultrabook HP Envie. On joue à Brad Pitt, Fabien. Rappelle des règles. Alors tout, faut que tu retrouves le titre du film dont l'histoire va être chantée par Cyril, d'accord? Ouais. Ok. D'accord. Essaye de trouver le titre. Je peux dire qu'il va tout donner, Cyril, parce que c'est un moment là. Il est 8h37. Nous sommes en direct des studios de Marseille sur Virgin Radio. Vous êtes bien? Ça va les Marseillais? Ouais. Et bien c'est parti. Et bien sûr, le film a un rapport avec Marseille. On y va, on envoie du son. Ah là là. Et quand j'ai la comédie musicale, généralement, Cyril est bon. Et ils adorent, c'est tellement ringard. C'est loin de la route, toujours pressé. Il pilote comme Choumi, mais à un mètre. Ses clients savent pas qu'il est hors la loi. Et encore moins que le permis n'a pas. Le roi de la route roule en Peugeot. Pourtant Marion Cotillard il l'a pécho. Comme quoi t'as pas besoin d'avoir une Merco. Si t'as de belles jambes, t'es une grosse sono. Dis-moi dans quel film la série roule le jour ou le la nuit et accélère sur la canne-berre. Même les radars pleurent leur mère. Il ne craint pas de prendre des PV car la police l'a engagé pour essayer de rattraper des Allemands un peu trop pressés. Il se fout pas mal, des prix total. Lui il roule au gasoil. Il ne veut pas que sa vie change. Lui est-ce qu'on lui fasse la vidange. Là, ce qui est plus triste, c'est le mec qui chante les paroles, mais il est persuadé de chanter un truc de ouf. Mais j'adore ça. Tes vibratos, Cyril. Tu vois, bah, ouais, bah tu vas tu voir. Tu frompis, quoi. Bah, passe à la maison cette nuit, tu vas voir mes vibratos, tu vois. Là, ça va te faire. On m'appelle on est très détendu à Marseille, hein, bah, comme attends, vous pouvez le constater. Va. Je vais vous dire, Enora et on moi, c'est, Enora, c'est comme ma soeur, on peut dormir sur un lit superposé ensemble, il se passera rien, ça va. Mais bon, alors, attention. Tout. Attention. L'heure. Bah, il est d'ailleurs 8h39. Là, c'est très très grave ce qui se passe. Ouais. Musique de suspense. Parce que tu vas devoir donner le titre du film. Est-ce que tu vas repartir avec Ultrabook HP Envie 4 HP vient de le sortir. C'est une bombe atomique. Tout le monde le voulait. Ouais. Est-ce que c'est tout qui va repartir avec ce matin? Donne-moi ta réponse. Alors je suis vraiment pas sûre de moi, mais je vois pas d'autre film que ça. Je vois Taxi. Taxi, tu es sûre? Non, mais je vois pas d'autres, donc je crois que c'est Taxi, va super vite, c'est à Marseille, et c'est un film où on s'éclate avec Samy Nasseri. C'est validé, Taxi. Tout. Tu gagnes. Ce matin, l'Ultrabook HP. De ouf, l'Ultrabook HP Envie 4, fin léger, 9 heures d'autonomie, voilà, on l'a dit, équipé d'un processeur de ouf, bravo, énorme cadeau. C'est pour toi, énorme cadeau, cadeau de ouf, c'est génial. Le cadeau que tu mérites, Et bah, c'est Virgin Radio et HP qui te font ce cadeau. Je t'embrasse très très fort, tout, et continue à nous écouter le matin sur Virgin Radio. Salut, chouchou. Sans problème, T'es un amour. Il y a le SAV d'Omar et Fred qui arrive, hein. Ils sont à Cannes en ce moment, et puis bien sûr, il y a Jean Walter qui va appeler Claire Fontaine, ce sera avant 9h, mais là on se fait Simple Plan à 8h41. Virgin Radio et HP vous ont présenté le Brad Pitt Virgin Radio. Plus d'infos, facebook.com/HP France. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one you're down, if you like. to be kicked when you're down. Feel like you've been pushed around. Simple Plan sur Virgin Radio à 8h44. Nous sommes en direct des studios de Marseille. Virgin Radio, on est bien, il fait beau, surtout Marseille. On va lancer le SAV dans ma FN, mais je veux le lancer avec un accent marseillais. Je vais prendre quelqu'un dans le public. Est-ce que vous avez l'accent? Je pense pas, non. Ouais, j'adore. Non, je pense pas. Tu me fais chier là, mec. Moi, je suis nu ici, j'ai ramené quelqu'un. Je suis nu avec la mobilette là, donc en plus, il y a quelqu'un qui gêne l'entrée VIP, donc tu commences sérieusement à me faire chier, d'accord? Moi, c'est Bébert. Alors, attends, qui? Attendez, venez. Alors, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Il y a de l'accent. Toi, tu t'es dit, je vais faire une blague. J'ai une petite blague. J'explique aux auditeurs qui nous écoutent sur Virgin Radio, il y a une personne voilà qui a une très belle coiffure, qui a des lunettes, et c'est des lunettes en forme de quoi? D'après toi. Tu peux le dire, hein. Papa, j'en ai jamais touché. C'est pas un gros mot. Dis-le. De ça. Voilà. De ça, tout simplement. On peut le dire, hein, le ça. Hein. Le ça, on peut le dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez lancer le SAV d'Omar et Fred? Vous dites tout de suite, c'est le SAV d'Omar et Fred sur Virgin Radio. Et bien maintenant, c'est l'accent avec le SAV de Omar et Fred. Bah voilà, bah, c'est voilà parfait. Bon, il a dit c'est l'accent, mais avec le SAV d'Omar et Fred, on y va. Service après-vente. Des émissions. Service après-vente de Cannes, bonjour. Paparacha. Paparacha. Attention les boules de pierre. Marie, je viens d'avoir Doudou Indiana Jones. Service après-vente de Cannes, bonjour. J'ai une casquette. Pour quoi faire? Vous faire croire que je suis un réalisateur. C'est bien. Service après-vente de Cannes, bonjour. Oui, pardon. Bonjour. Hein? Hey, il y a beaucoup de moustiques cette année, hein. Ah oui. Salut, président de Cannes, bonjour. Oui, bonjour. Il vient à Cannes, là, Guy, le chien des artistes? Ah non, non, non. Ah, dommage pour lui, parce qu'il y a de la chienne ici. Salut, président de Cannes, bonjour. Allez, Joachim, là, Alexis, Juliane, allez. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non, c'est mes neveux et nièces qui m'ont enterré dans le sable. C'est pas drôle. Je suis en face du Carlton. Quelqu'un peut venir? On va venir, monsieur. Oui, quelqu'un peut venir? Salut, président de Cannes, bonjour. Il est à Cannes. Calme-toi. Calme-toi. T'es brave. Qui ça? Brave Pete. Pardon. Au revoir. Au revoir. Le SAV d'Omar et Fred, c'est tous les jours sur Virgin Radio. Ils nous ont rejoints, ils votent à Nouna le matin. Et c'est à 8h45, on les retrouve ce soir à 20h40 en direct de la Croisette sur Canal+. Alors, nous sommes avec le public marseillais. Il y a une personne qui imite très bien notre ancien président. Comment vous appelez? Réellement? Oui, il est déjà dans le perso. Comment il s'appelle? Comment vous appelez en vrai? Aaron. Aaron. Aaron, est-ce que vous pouvez nous faire Nicolas Sarkozy? Il y a du visuel, vous pouvez le voir. Alors, le mec vient de se mettre sur les genoux. Sur la page Facebook Virgin Radio, allez-y, on est en streaming. Bonjour, je sais que vous avez pu voter pour moi. J'espère que pour Hollande, ça va aller un peu mieux. Bon, Aaron, il faut qu'on parle. C'est Jean-Michel, il nous a fait Jean-Michel Apathy, le mec. Il nous a fait Jean-Michel Apathy. Bonjour, monsieur le président, vous voulez être destitué. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais j'adore, vraiment, un peu d'espoir pour Aaron, quand même. Bravo, Aaron. L'important, c'est d'essayer, je vous le dis, c'est d'essayer. Il y a JW qui va appeler Claire Fontaine, il va absolument coiffer les joueurs de l'équipe de France parce que ça peut plus, je n'en peux plus, ils ont une coupe en corner. Ce sera dans quelques instants sur Virgin Radio, il est 8h48. Hanouna le matin sur Virgin Radio. 8h55, nous sommes en direct des studios de Virgin Radio Marseille. On est bien avec tous les Marseillais. Ils sont en forme, ils sont beaux, ils sont bronzés. Ils sentent le sable chaud, enfin à part un. Mais je peux pas dire lequel. Comment ça va les Marseillais? Ouais. Alors, à Marseille, on aime le foot. Et il y a l'équipe de France qui est à Clairefontaine, qui va arriver bientôt à Clairefontaine, parce que c'est l'Euro qui va démarrer. Ouais, l'équipe de France est déjà à Clairefontaine. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas tous là. Mais nous, on en cherche un parce qu'il a une coiffure particulière. Est-ce que vous connaissez Jérémy Ménez? Ah oui, moi je connais que lui grâce à sa coupe. Ah ouais, non, mais il a une coupe sans déconner. On dirait qu'il a un renard sur la tête. Ah ouais? À chaque fois, le mec, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui vont lui tirer dessus. Attention, chasseurs, tu vois, ils se disent, il y a un renard sur le terrain, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, Jean-Walter GW, le coiffeur paysagiste, doit s'occuper de cette équipe de France de foot. On appelle Clairefontaine, envoie le jingle, oui. Virgin Radio. Jean-Walter, coiffeur paysagiste, appelle Clairefontaine. Alors, vous avez vu, on a fait un jingle avec la basse, exprès. Il y a Pierre pour jouer avec nous. Salut Pierre. Pierre. Fabien, salut Nora. Oui, allô. Salut Repier. Oui, salut Fabien, salut Nora, salut Cyril. Salut Pierrot. Ça va? Pierre, il habite Nancy. Il a un jumeau et vous savez ce qu'il fait dans la vie? Non, il échange des meufs avec son frère. Non, il fait pas ça parce que son frère a un mauvais goût. Ça, je me suis renseigné. Ah, non, c'est tout de la famille. Exactement. C'est tout de la famille. Non, il analyse de la bière. Ah oui, ouais, ben voilà un beau métier. Comment ça se passe? C'est quoi ce métier d'analyser de la bière en fait? T'es tout le temps bourré toi? Un peu complexe, mais le plus important en fait c'est le test de goûtage, hein, c'est ça. Le reste, donc tu goûtes des bières et tu dis c'est non, bon non, ça? Non, je goûte pas, mais de temps en temps, on se fait plaisir. Mais tu vois, c'est plus ou moins de houblon ce genre de truc. C'est ça, voilà. D'accord, et tu dis là il faut me rajouter du houblon, là faut me rajouter rien du tout, là il faut la changer complètement, ouais, tu fais ça. C'est un peu plus complexe que ça, mais bon. Écoute, tu te la racontes un peu, je trouve, Pierre. Dis-nous ce que tu fais vraiment. Je veux pas rentrer dans la technique, c'est chiant. Ouais, t'as raison, c'est chiant. On est là pour rigoler. On a pas le niveau, il a raison, Pierrot, il a raison. En tout cas, c'est la première fois que je vais parler à un analyseur de bière. Ouais. Voilà. Pour le moment, c'est quelqu'un qui va analyser des coiffures. C'est GW, c'est Jean-Walter, il doit rester une minute avec Clairefontaine. S'il passe une minute avec eux, tu repars avec ton pack Virgin Radio. On en voit, on appelle. Vous êtes sûr que ça répond à Clairefontaine? Vous êtes sûr que ça répond à Clairefontaine? J'espère. Centre technique national du football, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à Clairefontaine. Oh oui, tout à fait. Oui, bonjour, je vous appelle dans un état désastreux. C'est Jean-Walter, GW, le coiffeur paysagiste. Je suis le coiffeur de Jérémy Ménez, entre autres, qui fait partie de l'équipe de France de foot. Je vous appelle pour me rencarder, comme on dit, sur les infrastructures de Clairefontaine pour savoir si je vais pouvoir faire mon travail comme je l'entends. Est-ce que je comprends pas tout à fait votre demande? Est-ce que Laurent Blanc vous a parlé de mon travail, puisque je suis GW, le coiffeur officiel de l'équipe de France? C'est moi qui les ai coiffés en 98, c'est moi qui coiffais mes Jackie. Je vous fais patienter un instant. Merci. Patientez quelques instants. Merci. C'est moi qui ai coiffé Barthez. Vous ouais, et le bœuf pour la finale. C'est pas vrai. Ils étaient bien coiffés en plus. Bah oui, j'avais fait un mèche à mèche, je m'en rappelle. Je leur avais mis du Stein and Go de chez Schwarz. C'était ça qui donnait ce reflet doré. Bah oui, ça donnait un reflet doré qui noircit à la lumière. Ah, c'est ça. Oui, ce qui s'appelle. Allô? Oui, un instant, j'en ai en relation avec la résidence équipe de France. Ils sont là? Attendez, vous vous rendez compte que c'est très fort. Allô? Oui, allô? Je suis bien là avec la résidence équipe de France. Oui. Bonjour, je vous appelle puisque je suis dans le désarroi tout complet total, puisque je suis le coiffeur de l'équipe de France, c'est Jean-Walter GW, comme m'appelle Lolo, le coiffeur paysagiste de l'équipe de France. D'accord. Et j'aimerais savoir, en fait, si les infrastructures vont me permettre, au sein de votre établissement, de faire mon travail comme je l'entends. Je ramène, en fait, tous les produits puisque je vais ramener du Shine and Force de chez Schwarzkopf également. Et de l'huile de jojoba, mais bon, j'ai besoin de 2-3 salles pour pouvoir coiffer des joueurs, dont Jérémy Ménez, puisque je suis son coiffeur privé. D'accord. Alors, Est-ce que vous pouvez me laisser un numéro? Je vais me renseigner, je vais voir. Je ne laisse jamais mon numéro. Jamais. Alors, ça, cas, c'est une règle que je me suis fixée depuis ma formation chez Jean-Marc Magnatis, où il y avait un jeune apprenti qui m'avait demandé mon numéro. Je lui ai dit non, niet Dimitri. Dimitri, tu n'auras jamais mon numéro. Je veux bien te donner tout ce que tu veux. Je veux te donner une mèche. Je peux te donner de l'huile de jojoba. Je peux te donner de l'après-shampoing, mais mon numéro, non. Jamais. Never. Alors, bon, bah dans ce cas, je vais vous demander de rappeler d'ici 5-10 minutes et je vais essayer de me renseigner. Est-ce que vous pouvez me donner des renseignements, vous? Là, non, puisqu'il n'y a personne qui est habilité à me répondre tout de suite. Alors, pas là. Est-ce que juste vous êtes au courant de ma venue? Moi, non. Parce que je vais avoir quelques accessoires. J'amène un babyliss. J'amène du bigoudi. Du bigoudi hollandais. C'est-à-dire que quand on met, il chante du Dave, il chante Dalina sur les cheveux. Également, j'amènerai du séchoir hongrois, le Sturx. D'accord, donc il vous faudrait 2-3 salles, c'est ça? Exactement, 2-3 salles pour dispatcher mon matériel et pour que je puisse coiffer d'un endroit à l'autre. Je coiffe, je dispatche, je coiffe, je dispatche. Et quelquefois je dispatche et je ne coiffe pas. Ceci, c'est ma force. Bah alors, dans ce cas, je vais vous m'en rappeler un tout petit peu plus tard. Mais je vais juste vous poser la question. Est-ce que je peux juste vous laisser un message? Bien sûr. Dès que vous voyez Jérémy Ménez, donc, l'attaquant de l'équipe de France, vous lui dites que Jean Walter, son coiffeur, a appelé JW. Dites-lui JW, je pense qu'il comprendra mieux. Vous lui dites que j'ai ramené tous les produits pour lui. D'accord. Qu'on va pouvoir traiter tout ça. Pas de soucis. Et que je lui ferai un mèche à mèche avant l'Euro, avant la rencontre contre l'Espagne. Je transmets. Et dites-lui également que je lui ferai une tortilla sur la tête. Pas de soucis. D'accord. Ce sera dit. Merci bien. À tout à l'heure, merci. Au revoir. Et bravo, bravo. Ouais. Ah bah c'est gagné. C'est gagné. Il est malade, hein. Qu'est-ce qu'on aime, Jean JW, c'est mon préf, moi. C'est gagné, mon père. Je t'envoie ce qu'on fait. Tu repars avec ton pack Virgin Radio, c'est fait. Ouais. C'est plutôt sympa, c'est la fontaine. Ah ouais. Mon préfet, t'as dit. Mon préféré. Ouais, c'est ça, c'est mon préféré. Eh ben alors, merci à Marcel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marcel. On va se retrouver dans quelques instants. Vous restez avec nous, il est 9h01 sur Virgin Radio. Les dernières heures du Festival de Cannes, la 65e Palme d'Or sera décernée dimanche soir. Robert Pattinson sera sur la croisette aujourd'hui. Il va y présenter le tout dernier David Cronenberg Cosmopolis, dans lequel il tient le rôle principal. À ses côtés sur les marches ce soir, sans doute sa compagne Kristen Stewart, mais aussi les autres acteurs du film, Juliette Binoche et Mathieu Amalric. Cosmopolis à découvrir aussi en salle dès aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que ce sera bientôt la fête du cinéma, du 24 au 27 juin. Une belle opération en partenariat avec Virgin Radio pour une place achetée toutes les suivantes à 2,50€. Le sport du rugby ce soir avec le premier barrage. Merde, on me laisse la chemise. Le premier barrage du top 14, Castres face à Montpellier. À 21h en terrain neutre à Toulouse. L'autre match opposera Toulon au Racing Métro dès demain. Toulouse et Clermont qui attendent déjà les vainqueurs en demi-finale. Ce sera le week-end prochain. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Hanouna le matin en direct de Marseille. Bon réveil! D'être avec nous sur Virgin Radio. Il est 9h04, tout le monde est là, tout le monde a envie de chanter, tout le monde a envie de danser. Et je voudrais remercier déjà tous les auditeurs qui nous écoutent sur Virgin Radio, qui étaient extrêmement nombreux hier soir à regarder Touche pas à mon poste sur France 4. C'était la dernière, il y aura un best-of la semaine prochaine, puisqu'on est largement leader hier soir. Voilà, donc je voudrais vous remercier. Merci les chéris, vous êtes des bombes et on vous laissera jamais tomber, vous inquiétez pas. Merci à tous. Touche pas à mon poste reviendra à la rentrée. Il y aura deux best-of qui vont arriver aussi qui sont énormes. J'aimerais remercier toutes les équipes de Virgin Radio Marseille, avant de vous faire un grand chant des supporters. Hein. Je voudrais remercier Dina de la tarte tropézienne. Hein, ah voilà. Oui, oh Dina, là. Dina, c'est Saint-Tropez, c'est de la tarte, c'est tout ce qu'on aime. C'est de la crème. Hugo, le journaliste que j'ai embrassé tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Olivier, Christophe, ses collègues des RFM. Annick pour la promo. Le restaurant La Trattoria, Di Marco, qui n'a rien fait, mais on est obligé de les rééler. Si, voilà. On a été manger là-bas hier soir. Donc. Ah, d'accord, merci. Mais on va les remercier quand même. Bah oui. Mais nous avons très bien mangé. On les embrasse, la Trattoria Di Marco, le cercle des nageurs de Marseille, Hertz, voilà, parce que pour tout ce qu'ils font dans la France entière, de la location, au niveau de l'automobile, Delphine qui est venue nous masser dans le studio ce matin. Voilà, très jolie masseuse. Je peux vous dire, oui. Oui. Ah oui, toi t'as gardé un bon souvenir à part. Papa, il s'en remet pas là. Je me suis fait masser, mais voilà, le cœur y était. Et pas que le cœur. D'accord. Et je voudrais remercier la direction de Virgin Radio, mon Thomas Plessis à moi qui est là-bas, mon petit bébé. Il y a David Roffet qui a fait un travail magnifique pour qu'on puisse faire cette tournée. D'ailleurs, il y aura une autre date la semaine prochaine. Ce sera la dernière. Ce sera à Montpellier. On va rester avec les Montpelliérains toute la journée. On va kiffer avec vous. Bruno Dubois, qui est où Bruno? Qu'on embrasse son pas. Et Richard Lenormand qui est venu nous voir ce matin. C'est le grand patron. Il s'est déplacé exprès pour venir nous voir à Marseille. Merci Richie, parce que je l'appelle Richie. On est assez proches. Hein. Et merci à toute l'équipe restée à Paris. Winnie, les France. Hein. Voilà, France qui est restée merci à Paris, Flo. Mais qui est néanmoins dénudée. On sera à l'IEJ de Marseille vers 10h ce matin, c'est avenue du Prado. Donc venez nous voir si vous êtes dans le quartier. Merci à tous, merci à tous les auditeurs qui sont venus nous voir ce matin. Voilà, merci Sarah. À vous. Je voudrais qu'on vous fasse un gros gros big up. Bravo les chéris, merci d'avoir été là. Gros. Bah alors. Merci, alors, merci au JB. C'est quand tu veux, mon JB. C'est vous, mon Dieu. Sinon, vous avez joué toute cette semaine par SMS pour gagner des places pour le concert de Madonna le 14 juillet au Stade de France. Et je tiens à dire à ma mère, Thomas, ma mère, elle veut absolument des places, elle m'a saoulé. Donc il faut que je les paye parce qu'elle m'appelle tous les jours, elle me dit c'est bon pour les places pour Madonna. Elle veut même plus me parler, je l'embrasse fort d'ailleurs, elle m'écoute ce matin. Et le gagnant de cette semaine, c'est Mathieu Vasseur. Voilà, bravo, Mathieu, tu gagnes deux places pour Madonna grâce à Virgin Radio, tu vas kiffer mon vieux. Est-ce que les supporters sont prêts à faire un dernier chant? JB, quel chef du COP, vas-y quand JB, tu veux. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Aux armes. Ah, aux armes. Eh, oh, allez, attends, je vais t'expliquer un truc. Passe le petit ton là avec moi. Allez, vas-y. Allez, je vais avec toi. Ouais. Aux armes! Aux armes! Aux armes! Aux armes! Nous sommes les Marseillais! Nous sommes les Marseillais! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Pas tellement. Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Oh, oh, oh, oh. Il parle comme ça dans son salon, genre pas moi, tout seul. Il fait ça, je crois, le mec, ouais. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Viens, on va dans la chambre. Viens, on va dans la chambre. Mets-toi donc en culotte. Mets-toi donc en culotte. Éteins donc la télé. Éteins donc la télé. Ah non, mais donc Motus. Ah non, mais donc Motus. Merci à tous. Merci ce matin. Merci les chéris. Merci Marseille. On est bien à Marseille. On vous retrouve dès lundi matin sur Virgin Radio 5h30 avec Fabien, avec Franck pour le warm-up. Et je voudrais vous dire encore une fois un grand, grand merci. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter tous les matins sur Virgin Radio. On vous aime. On vous laissera jamais tomber les chéris. Merci à mon Franck Gerbert aussi qui a fait le déplacement avec nous. Et à Sarah qui était en tenue stabilo boss aujourd'hui. C'est Greg Di Mano qui est là? Non, c'est Lionel. Ah, Lionel, il faut salut, que je te parle. Lionel. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai dis-moi un gros souci avec toi. Ah non. Oui, capillairement parlant, ça ne va pas. Tout part en vrille. Tu as une coupe de n'importe quoi. Il a une belle coupe, lui, en plus. Ouais, il a une belle coupe, mais il n'a pas que ça de beau, Lolo. Merci, Nora. Il est beau gosse, je fais attention. Cyril, tu m'avais vendu France dénudée. Attends, je me retourne. Bah non. Non, c'est pas parce que c'est toi, elle ose ouais, pas. Ouais, bah c'est pour ça, ça aurait été Greg Di Mano, elle aurait été ah dénudée. Bah, ah bah là. Bah Greg Di Mano, on sait pourquoi il s'appelle la Mano. Hein. Salut Lionel, on t'embrasse pas. La bise, profitez bien du côté de Marseille. Et restez connectés à la Serveur Virgin Radio. Il y aura peut-être du cadeau avant 13h. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un max de tubes à tous ensemble à se faire avec le nouveau Florida qui est juste mortel. Et puis nos petites chouchoutes, voici Kelly Clarkson sur Virgin Radio. Bonne matinée, bon vendredi. You know the bed feels warm.